there without you. My voice would still make the air vibrate too. But what I can give you, what I can give you, it's not the spark, it's this surrounding air, looming in the glowing light, igniting this room. So why don't you spare me? Don't miss the rest now. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika tous les vendredis soirs à partir de 19h, nouveaux horaires depuis quelques temps, voilà 19h à 22h, 3h ensemble. Habituellement, vous le savez, dans l'émission Mavrika, on aime bien recevoir des invités. Et là c'est un petit peu reparti parce que pendant un petit moment, les gens étaient un petit peu frileux, ils voulaient pas trop sortir. Et en plus, avec le Covid, avec tous les confinements et tout ça... Depuis quelques temps, donc, on commence à recevoir des artistes. On en a reçu pas mal depuis quelques temps. Et là, de plus en plus. Hein, donc, il y a beaucoup de demandes. Je pense que les gens, ils en ont un petit peu marre d'être chez eux. Ils ont envie aussi de partager leur travail, puisque les artistes continuent à travailler. Ils peuvent pas vraiment se produire en public dans des très bonnes conditions. Donc, la radio, c'est une très bonne chose pour pouvoir diffuser leurs morceaux. Et justement, dans les prochaines semaines, nous allons recevoir beaucoup de personnes, quoi. Donc, 2022 commence très bien. La semaine dernière, j'étais tout seul, donc je vous avais commencé à vous présenter un petit peu les artistes que nous allons recevoir au cours des prochains mois. Donc la semaine prochaine, nous aurons ici enfin un groupe que nous diffusons déjà depuis quelques temps, qui nous avait été conseillé. On a écouté les morceaux, c'est vrai que c'est assez régulièrement qu'on écoute leurs différents morceaux. Le groupe s'appelle Neutol, il vient de Tours et il y aura trois membres du groupe qui seront là, donc vendredi prochain, et ça sera donc le 21 janvier. Le 28 janvier, nous aurons ici Max 2 de Giovanni. Voilà, la dernière fois j'avais oublié le A quand je vous l'ai présenté, donc c'est la première fois que je découvrais. Donc c'est un artiste qui nous vient de Bayonne, il viendra spécialement dans l'émission Mavrika pour nous présenter son travail. On écoutera peut-être un petit morceau tout à l'heure, ou aussi bien que celui de Neutol. Le 11 février, voilà, c'est déjà acté, c'est déjà noté sur l'agenda, c'est le chanteur Mourad. Mourad, vous le connaissez bien, on passe assez régulièrement des morceaux de lui. En plus, moi, c'est toujours un plaisir de le retrouver ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et il va venir nous parler de son travail, puisque ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Le vendredi 25 février, ça sera un groupe que je connais déjà, que j'ai déjà vu deux fois en concert. La première fois, ça devait être à la Chapelle Saint-Mémin pour Balade en musique. La deuxième fois, c'était à Jarge aux plages. C'est le groupe Roraima. Donc, si vous aimez la musique électronique, les deux membres du groupe seront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Roraima, le duo trip-hop dans l'émission Mavrika du 25 février. Voilà. Alors, j'ai commencé par les prochaines dates, mais ce soir, soir, ben, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, nous allons recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous l'avons déjà ici, il est là devant nous, on va découvrir donc tout le travail de Jimo, voilà un artiste qu'on va découvrir tout au long de cette émission jusqu'à 22h, donc restez avec nous, on va écouter beaucoup de bonne musique, beaucoup de bons artistes de la région orléanaise, et pas que, puisque c'est le programme fait par Monsieur Jimo ce soir, et on va découvrir ensemble son travail, voilà. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maureka et on continue jusqu'à 22h. Voilà, depuis le début de l'émission, on a déjà écouté deux morceaux. On a commencé par Angeville avec un morceau qui s'appelle Club Privé. On a écouté tout à l'heure Jekyllwood avec Just a Little More. Et tout de suite après, on va écouter un morceau qui est pas tout jeune, mais c'est un groupe que nous avons reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques années. Il s'agit du groupe Full System. Et on va écouter Dealer de Peur. Je crois que c'est toujours d'actualité. ça c'est la petite musique qui dit qu'on va aller dans les studios de Radio Arc-en-Ciel où nous avons des invités. On va faire un petit peu de live cette fois-ci, puisqu'on va discuter en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec notre invité. Alors il s'agit de Jimo, il est là dans notre studio, juste en face de moi. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à régler un petit peu les potentiomètres et puis on va commencer à discuter avec lui, hein. Je pense que ça sera pour le mieux. Voilà, donc bonsoir Jimo. Bon voilà, c'est pas le bon micro, donc on va y arriver. Bonsoir Jimo. Voilà, on l'a refait, c'est bon. Alors, il y a beaucoup de boutons dans la table de mixage, et je trouve qu'il y en a bien trop. Hein. Donc voilà, le temps de régler un petit peu les potentiomètres, voilà c'est fait. Alors, bonsoir Jimo, ça me fait beaucoup plaisir de te recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Tu es le premier invité de l'année 2022. Eh ben déjà, je te remercie de m'avoir invité, puisque je suis quand même un célèbre inconnu sur la scène musicale orléanaise, et c'est super sympa de ta part. Donc, ben, je vais essayer de faire ce que je peux pour bien animer cette émission. Alors, la semaine dernière, j'avais annoncé déjà que tu allais venir, donc j'avais dit Jimo. Il y en a qui ont compris Gilo, je croyais que c'était Jennifer Lopez. Alors, effectivement, elle n'était pas disponible ce soir, mais peut-être prochainement viendra-t-elle dans les studios. D'ailleurs, si elle nous écoute, on lui fait un petit bisou, comme d'habitude. Eh ben, tu n'hésites pas à m'inviter, je serais content de rencontrer cette jeune fille. Je pense qu'il y aurait du monde, hein, il y aurait du monde dans les studios. Je pense aussi. En tout cas, donc, Jimo, tu veux nous dire pourquoi on t'appelle comme ça, ou c'est ton nom d'artiste? C'est mon nom d'artiste. C'est ton nom d'artiste. Et puis, je dirais que à l'époque où je travaillais, pratiquement tous les collègues m'appelaient comme ça. Certains m'appelaient Jeannot. Donc, ouais. Effectivement, le premier nom d'artiste qui m'est venu, celui qu'on retient plus facilement, c'est Jimo. Jimo, voilà, dans la région orléanaise. Parce que moi, j'ai cherché un petit peu sur Internet de l'actualité sur toi. Et effectivement, il y en a beaucoup des Jimo dans le monde entier. Un peu trop. Ouais, il va falloir faire un petit ménage dedans pour regarder quel meilleur moi. Mais on a réussi quand même à trouver tes morceaux. Tu es venu ce soir pour nous présenter un album. Oui. Qui est sorti il y a très peu de temps, puisqu'il est sorti le 5, hein, c'est ça? Le 5 janvier, il est tout frais, il est tout chaud. Bon, malheureusement, il n'est pas encore dans les bacs à la FNAC, mais on peut le retrouver sur Spotify, Deezer, enfin, toutes les plateformes de streaming. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ces morceaux-là, ils ont été enregistrés dans les mois précédents, c'est ça, ou? Oh, ben, ça a été fait pendant le Covid, alors que je m'ennuyais un tout petit peu. Bon, c'est quand même une longue histoire parce que je fais partie d'un groupe. Oui. Qui s'appelle L'Argus. L'Argus. Et c'est un groupe qui a été formé à l'époque où je travaillais encore chez Keolis. Qui existe toujours. Qui existe toujours. Oui, très bien. Et on avait en projet de faire un album. Donc je leur avais proposé 3-4 titres qui finalement ne les a pas tellement intéressés. Parce que c'était pas tout à fait leur truc. Je dis, bah, écoutez, dans ces conditions, tant pis, vous voulez pas le faire. Je vais peut-être me débrouiller tout seul. Et petit à petit, l'idée a fait son petit chemin. Puis j'ai commencé à composer 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. Et je me suis dit, n'étant pas égoïste de nature, il faut quand même partager un peu son savoir. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire un album pour le faire partager. Je ne veux pas dire au monde entier, soyons quand même... si, quand même, sur Internet, on y a accès du monde entier. Je suis assez humble, si j'arrive déjà à le partager dans le Loiret, ce serait une bonne chose. Ça sera déjà bien, ouais. Voilà. Et c'est comme ça que l'idée est partie. Très bien, donc un nouveau projet, un projet solo, en plus de ton projet avec L'Argus. Et tu as développé cette idée, et puis un jour, bon, tu as composé, c'est toi qui as écrit les paroles, c'est toi qui as écrit la musique. J'ai tout fait, paroles, musique. Alors pour la musique, c'était un peu plus compliqué parce que je suis archi nul en lecture de partition. D'accord. Et je prends... On est deux déjà. Non, moi je suis pas du tout musicien. Et malheureusement, j'aurais bien aimé, et puis j'admire énormément les musiciens. Mais bon, ça n'empêche pas, hein, de très grands bluesmen, de très grands musiciens ne savent pas lire la musique. Hein, B.B. Après. King, Hendrix, ils ont commencé sans savoir lire la musique, puis peut-être ça s'est fait. Ouais, bah oui, mais bon, il faut avoir le feeling au départ. Je pense que si on l'a pas dès le début, on a beau faire toutes les études de musique qu'il faut, on n'y arrivera jamais. Et donc, si on a l'étincelle du départ, après, il y a beaucoup de travail, hein, c'est ça, hein, c'est le travail. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué que ça. Parce que quand j'ai commencé à écrire mes partitions, il fallait mettre, je vais peut-être pas dire une bêtise, j'ai fait dire les noirs et les blanches. Non, on va me traiter de raciste. Donc, je vais dire... les notes sombres et les notes claires. Les claires, ouais. Voilà. Les bleus clairs, les bleus foncés. Les bleus clairs, les bleus foncés. Ouais, tous bleus, voilà. Et c'est vrai que ça demande un travail de réflexion, d'analyse. Et petit à petit, j'ai vu que l'album commençait à prendre forme. Puis, je suis tombé dans le jeu. Et puis, c'est parti. D'accord. Donc, premier morceau, deuxième morceau, jusqu'au neuvième. Et là, après, je me dis, bon, il y a quand même un petit quelque chose à faire. Mais c'était une vraie partie de plaisir. Oui, après, quand il y a le plaisir, quand on a envie, eh ben, finalement, le travail, on ne le sent pas autant que quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Il y a ce côté, j'aime bien partager. Même si ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais mes idées, je ne veux pas les garder pour moi tout seul. Voilà, il faut essayer d'en faire profiter le maximum de personnes possible. Et après, à la grâce de Dieu. Et puis en plus, moi j'aime bien le mot partager. Ça, c'est un mot qui revient souvent dans cette émission. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. Moi, j'aime bien partager la musique des gens qui viennent chez moi. Et puis bon, le partage, c'est quelque chose d'important. Et quelque chose, il y a certaines valeurs qu'on est en train de perdre de plus en plus. On a peur les uns des autres et tout ça. Et moi, je trouve que justement, nous, on veut rester à l'ancienne. On veut rencontrer les gens, les recevoir, partager leur musique. Les voir en concert, ça c'est important aussi. Pour l'instant, on est un petit peu bridé à ce niveau-là. Mais dès que ça sera reparti, j'incite les gens. Alors, tous les gens qui se plaignent, qui disent oui, il n'y a plus de concert, ceci, cela, quand il y en avait, ils n'étaient pas forcément là. Alors, j'espère que quand ça repartira, ils seront au concert pour voir les artistes. C'est quand même les choses les plus importantes, ça. Ah bah, de toute façon, à partir du moment où on arrive à sortir et à se rencontrer, c'est déjà quelque chose de formidable. Parce que moi, je me souviens d'avoir vu B.B. King sur scène. Mais c'est vraiment sensationnel, quoi. Ce monsieur qui arrive avec, à l'époque, il avait encore sa guitare Lucie, celle qu'il a offert au pape. Eh ben, tout le monde était là. Ça venait de Paris, ça venait de Blois, ça venait de Tours, ça venait des environs. Pour qui? Pour partager un moment avec monsieur B.B. King. Et ça, c'est grandiose. Et à mon petit niveau, je vais essayer de faire la même chose. D'accord, bah, super. Je vais bien voir ce que ça va donner. Si ça marche, même si j'arrive à toucher quoi, 5-10 personnes... Voilà, leur dire. À la radio, j'espère quand même qu'ils sont plus nombreux à nous écouter. Donc, j'espère aussi. Voilà. Mais bon, n'hésitez pas aussi à mettre les coms sur le Facebook de l'émission Mavrika. Alors, il est toujours ouvert pendant l'émission, donc on reçoit des petits messages. Ça nous fait vachement plaisir. Moi, je sais que là, quand je reçois des invités, j'ai pas toujours le temps de répondre en direct. Mais quand je suis tout seul dans les studios et que je diffuse des morceaux enregistrés, parce que comme ça s'est passé la semaine dernière, voir autant de personnes qui se manifestent par le téléphone, par les petits messages et tout ça, ça fait vraiment plaisir. On se dit, on fait pas cette émission là pour rien. Donc l'émission Mavrika, elle dure depuis plus de 11 ans. C'est justement pour recevoir les artistes dans cette émission, partager leur travail, et puis une fois qu'ils sont plus là, ils nous laissent leurs enregistrements qu'on rediffuse dans les prochaines émissions. Donc voilà, on n'oublie jamais personne, et quand on a l'occasion, quand il y a un concert, un truc comme ça, eh ben on y va aussi, parce que ça fait plaisir, et puis ça rentre dans le partage, dans le truc. Je sais que moi, quand je reçois des artistes ici et que je les retrouve après au concert, ils sont contents de me voir aussi. Donc voilà, c'est un échange qu'on a, et puis quand on aime les mêmes choses, ben c'est très facile de partager et de se faire des amis quand on a les mêmes passions. En tout cas, il y en a un qui est tout à fait d'accord avec moi, c'est mon ami Pascal. Ouais, on va le citer, parce que justement, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que on a un ami commun. Donc c'est une personne qui est déjà venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, on va lui monter le micro, parce que s'il a envie de parler un petit peu. Alors, il faut pas que je me trompe de micro cette fois-ci. Il y a rien à toucher, c'est moi qui touche à tout. Ça y est, ça commence, si je suis remarqué. Non, effectivement, il y a des boutons, et puis des fois, on a envie de les toucher aussi. Alors, c'est Pascal Garcia. Salut, ouais. Pascal, tu vas bien? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu m'avais dit, voilà, je connais quelqu'un qui fait du blues, hein. C'est le style musical dans lequel on pourrait te cataloguer, hein, oui. Jimo. Et il dit, est-ce que je pourrais te présenter quelqu'un, donc, qui s'appelle Jimo, que je ne connaissais pas du tout, hein. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on se rencontre, hein. Exact. On s'est eu au téléphone hier, on a discuté un petit peu. Oui. On avait discuté aussi sur Facebook. Et Pascal, lui, était déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est un grand photographe, il faut le savoir. C'est un des plus grands photographes de la région orléanaise. Et pourtant, j'en ai reçu beaucoup, hein. Et c'est vrai, j'ai eu la chance de connaître aussi de grands artistes musicaux et aussi de grands photographes. Et toi, Pascal, tu t'es venu à quelle occasion déjà? Tu es déjà venu à plusieurs fois. Oui, le plus grand souvenir, c'était avec la Jarry. La Jarry, ouais. Quand ils avaient fait une session live, j'avais eu le bonheur de pouvoir les enregistrer. Tu m'avais fort gentiment prêté la bande son. Et ça avait fait une vidéo. Effectivement, oui, il y avait la Jarry. Il y avait d'autres artistes avant pour lesquels je venais pour faire quelques photos. Ça a toujours été un plaisir. Et puis après, il y a eu la Covid. Mais avant, moi, j'ai eu l'arrêt de mon activité. Et puis, on est toujours occupé quand on est en disponibilité permanente, parce que retraite, c'est un mot que je n'aime pas. Et comme Jean Maurice est un véritable ami, pas comme Balladur, c'est pas Balladur Chirac, des amis de 30 ans. Nous, on est vraiment de vrais amis, au-delà de tout ce qui peut quelquefois nous embêter dans la vie et de ce qu'on peut avoir comme problème. Et puis, il m'a fait écouter sa musique. Et puis, on est parti dans des délires parce que nous sommes des gens sérieux qui faisons les choses avec beaucoup d'humour. Ouais, ouais. Et, très sérieux. Il travaille, voilà, j'ai apprécié son travail. Je lui ai fait des photos, on a fait des vidéos. On s'est bien amusé et puis un jour il me dit est-ce que tu pourrais connaître quelqu'un qui pourrait me faire passer à la radio et puis j'ai immédiatement pensé à toi et puis ça m'a... je te suivais de toute façon, j'écoutais quelquefois les émissions, je regardais sur le site Facebook, j'ai vu aussi avant cette satanée pandémie les concerts qui avaient lieu à la Chapelle Saint-Mémin. L'association Mavrika, qui organise régulièrement des Mavrika Live. Et là, depuis 2 ans, on est en stand-by, on attend un petit peu parce que c'est pas vraiment possible de faire des Mavrika Live dans les conditions actuelles. Donc voilà, on attend. Mais bon, l'association existe toujours et on attend que ça se décante un petit peu pour pouvoir recommencer cette activité. Et voilà. Ça sera avec plaisir d'y aller et puis à l'occasion de faire quelques photos et puis de s'amuser. Musée, d'écouter de la bonne musique. En tout cas, je te remercie pour le compliment que tu m'as fait juste au tout début. Le plus grand photographe, j'en sais rien. En tout cas, je fais toujours ça par passion. Maintenant, je le fais encore plus par passion parce que ça n'est plus mon activité. Mais je suis tellement occupé que je... comme Jean Gimaud, qui est en disponibilité permanente. La belle vie. Et c'est un regard nouveau que j'ai sur la vie et sur les passions qu'on peut continuer à mener d'une manière différente, c'est-à-dire avec de la disponibilité. Ouais, c'est vrai que tout le long de notre vie, finalement, on a un travail à côté. Beaucoup de gens ont du travail à côté. Et finalement, leur passion, des fois, ils peuvent pas la développer autant qu'ils voudraient parce qu'ils ont pas le temps. Donc après, c'est les week-ends. Donc il y a une coupure d'une semaine entre les deux. Le soir, on est un peu fatigué. Donc on a travaillé toute la journée. On n'a pas forcément l'envie ou la disponibilité ou le temps simplement de s'occuper un peu de notre passion, de notre loisir. Et donc, une fois qu'on est à la retraite, là, c'est le Pérou, puisque finalement, vous organisez tout autour de vos loisirs. Quoi. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce que je me disais. Le soir, il fallait se coucher de bonne heure parce que dans le matin, il faut se réveiller pour aller au boulot, puis quand même être en forme. Alors que là, je peux rester sur un morceau. Enfin, je restais sur des morceaux parfois jusqu'à des minuit, 2 heures du matin. Ça ne me dérangeait pas. Donc, effectivement, quand on est à la retraite, en longue disponibilité, on peut vraiment assumer sa passion à fond. Ouais. Et puis le partage aussi, c'est un mot que j'ai appliqué toute ma vie durant par l'éducation du papa et de la maman, il n'y a pas d'autre mot. Et le partage, oui, c'est quelque chose qui est aussi pour moi est très important. Partager des moments de bonheur, mais partager aussi cette disponibilité qu'on a et qui ne doit pas se transformer en égoïsme, même s'il faut être un peu égoïste dans la vie, mais qui ne doit pas se transformer en un égoïsme pur et dur. Et justement, je remets ça sur le tapis, mais cette disponibilité permet justement de se dire « Ok, là, je peux le faire, donc je vais partager un bon moment. » Et puis nous, en plus, on a un passé... un passé qu'on ne pourra pas évoquer à la radio parce que y a des enfants qui écoutent. On va faire soft quand même ce soir. On va faire soft, mais on aime bien s'amuser, on aime bien... Et puis, on a la passion de la musique déjà pour commencer. On a la passion, comme on disait tout à l'heure, du partage, d'aller au-devant des gens. Je dirais que pour rebondir sur ce que dit Pascal, j'ai quand même ajouté un petit truc qui pour moi est essentiel. Pascal m'a apporté vraiment quelque chose de formidable dans la vie, c'est me faire côtoyer les handicapés. C'est vrai qu'on ne parle jamais de ça. Grâce à lui, j'ai pris conscience de ce que c'était que le handicap. J'ai porté un autre regard sur les handicapés après. Je ne vais pas dire que je les fuyais, mais bon, il y avait ce petit côté, voilà, je ne connais pas, donc je ne vais pas. Il m'a dit, viens. Il m'a montré sa fille. Il m'a dit, mais de toute façon, considère-la comme une personne comme les autres. Et là, effectivement, j'ai découvert autre chose. Donc, De ce côté, c'est vrai qu'il m'a beaucoup appris. Et après, dans mon travail, j'ai eu l'occasion de côtoyer les handicapés. C'est moi qui l'ai demandé à faire le transport des personnes de la mobilité réduite. Mmh. Pour moi, ça a été que du bonheur. C'est une révélation, finalement, alors. Ah ben, pour une fois qu'il a fait quelque chose de bien dans sa vie, je peux l'applaudir, quand même. Et puis, pour apporter une note un peu plus gaie, Jean-Maurice, nous avons une deuxième fille qui a 30 ans maintenant, et je suis papy. Donc ça aussi, ça prend du temps, même si c'est à distance et qu'il y a quelques 200 kilomètres. Mais c'est formidable. C'est formidable, ouais. Mm-hmm. Et notre deuxième fille est baptisée, mais on a fait un baptême républicain. Voilà, chacun ses convictions. Mm-hmm. Et Jean-Maurice, c'est le parrain musical. D'accord. Je ne sais pas si elle écoute, on verra, de Clémence, qui est une fan des Beatles, qui connaît absolument tout. Les Beatles. Mais tout. Ou presque sur les Beatles, et qui a son parrain musical qui est là et qui lui avait fait un mot très émouvant à sa naissance. Et ensuite, il n'a jamais réussi une chose parce que sa maman n'a jamais voulu. Il n'a jamais réussi à l'emmener sur sa moto. Jimo n'a jamais réussi à emmener Clément sur sa moto, oui. Ce qui restera, je pense, une énorme frustration durant le reste. Je ne m'en remettrai jamais. Mais ce qui, pour nous, parents, est quand même un gage de sécurité qu'elle ne monte pas avec toi. Mais bon. D'accord. Et voilà, c'est comme ça tout le temps avec lui. Non, mais après, il peut dire aussi des choses sérieuses avec un certain humour, comme on l'avait dit tout à l'heure. Les gens qui rigolent ne sont pas forcément des gens inconscients qui font n'importe quoi. Les gens qui rigolent, souvent, ils peuvent être très sérieux dans la vie. Et puis, c'est leur échappatoire aussi de dire une petite blague de temps en temps. C'est à partir du moment où ça n'offusque personne. Moi, j'aime pas les gens qui rigolent sur les autres et qui savent pas s'arrêter. Ça, c'est un truc que je déteste. Ouais. Moi, quand je vois que j'ai blessé quelqu'un, je reviens en arrière, je dis excuse-moi, c'était pour la blague. Mais tu vois, mais il y a des gens qui continuent. Et donc, à partir du moment où on peut rigoler de tout, à partir du moment où on fait pas de mal aux gens, quoi. Voilà. On en revient toujours au fou du roi. Mmh. Il disait la vérité au roi avec des mots très rigolos. Mmh. Et le roi l'acceptait. Et si je reviens à notre époque, c'est vrai qu'on avait une forme d'humour. On se permettait un peu tout, sans parfois dépasser les limites, mais ça passait. Alors qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, il faut faire plus attention. Il faut faire très attention. Et c'est dommage, hein, c'est dommage. Parce que bon, je pense qu'on peut dire aussi certaines choses. Pris sur un ton, il ne faut pas le prendre mal. Et c'est pas forcément... moi, j'ai discuté encore il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui me disait « Guy Bedos, j'aime pas du tout, il est misogyne. » Je dis « Non, mais c'est son rôle. C'est le rôle qui s'est fait. Il a une manière de dire les choses qui sont vexantes. Mais je suis sûr qu'il ne pense pas du tout ce qu'il dit. Mais justement, ça fait rire parce que il exagère un peu le personnage, quoi. Voilà, je parle de lui, mais dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'humour dont on pouvait rire à une époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, on a peur de choquer certaines personnes et puis finalement, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. Bah, moi, je dirais qu'un gars comme Coluche, il revient aujourd'hui, tous les jours, il a des plaintes. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il s'était permis de dire des choses qui sont toujours d'actualité encore aujourd'hui, qui à l'époque, il pouvait le dire sur le ton de l'humour, comme on dit, mais et ça passait. Et ça passait. Parce qu'on l'acceptait plus facilement, alors qu'aujourd'hui, eh ben, on doit réfléchir à ce que l'on dit. Avant de le dire, bon, sauf avec des gens que l'on aime bien, je dirais que de ce côté, j'ai une chance formidable. Tous mes amis sont aussi tarés que moi. D'accord. Donc, quand on se rencontre, en général, ça part en live, c'est vraiment une catastrophe. Mais au moins, je vois en répétition, quand on commence à répéter, le niveau mental, ça se situe à quoi ? 7-8 ans, quoi. C'est vraiment... Mais on passe 4 heures à se faire plaisir parce que nous sommes des amis. Et on redevient des gamins. Et on redevient. Il y en a un dans ce groupe, Largus. Je voudrais bien qu'il revienne de temps en temps. Bon, maintenant, il est parti se perdre à Carnon. Je ne sais pas s'il nous écoute aujourd'hui. C'est Patrick. Il est à peu près dans mes âges. Mais alors lui, quand on commençait à faire des blagues, il n'était pas le dernier. Et puis, ça nous faisait du bien parce qu'on passait 4 heures entre amis. Vraiment, en faisant de la musique, hein, tout en faisant de la musique, mais on passait 4 heures formidables, quoi. Et je voudrais qu'on retrouve un peu cet esprit léger, voilà, qui faisait un peu la quintessence de ce que nous sommes, un homme, plutôt que d'être aujourd'hui enfermé dans nos petits machins. C'est triste. Il faut qu'on arrête d'avoir peur des autres. Voilà. Moi, je crois que c'est ça. Je pense que finalement, comme tu disais tout à l'heure pour les handicapés, Bon, tu connaissais pas, donc finalement, le fait de ne pas connaître, ben, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Je crois que c'est comme ça déjà. Première chose, dès qu'on voit quelqu'un qui est différent, que ce soit pour n'importe quelle raison, il est différent, donc je sais pas, donc je m'approche pas, parce que, alors qu'en vérité, si on connaît les gens, ben, tous les gens, finalement, dans le fond, on a tous la même essence, la même chose. Et justement, il y a des gens qui ont peut-être un handicap d'un côté, mais ils ont développé autre chose à côté. Il faut savoir que l'intelligence, le cerveau, lui, s'adapte. Il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Lui, il va développer autre chose qui va lui permettre d'être meilleur dans certains sujets. Donc voilà, il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans l'être humain. Voilà. Moi, ce qui me chagrine dans tout ça, je me souviens de mes jeunes années, les années 69-70, quand je suis arrivé donc, dans la plus grande ville de France, La Chapelle-Saint-Amand. Ah oui. Tais-toi. Je suis de la Chapelle, toi. Voilà, je suis de la Chapelle. D'accord, je dis, bah moi aussi. C'est la plus grande ville de France. Déjà, pour commencer. Je veux bien comprendre qu'à l'époque, ne connaissant pas trop les hommes de couleur, il y a un petit ressenti. Nous sommes en 2021. D'accord. On aurait dû évoluer quand même. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on a fait marche arrière. On a régressé. Tu as cette impression-là, peut-être? Oui, hein, oui. Ah ouais, d'accord. Moi, je trouve ça, c'est complètement... Je sais pas. Moi, je me souviens, tu vois, mon papa, qui malheureusement n'est plus avec nous, il m'avait dit, voilà, j'ai vu la première personne de couleur. Il devait avoir une trentaine d'années. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Lui, il était originaire du Portugal. Il n'en avait pas vu. Donc, quand il les a vus la première fois, il ne savait pas. Aujourd'hui, il était complètement... il est habitué, tout ça. Oui. Je pense qu'au début, c'est tout à fait normal, quand on voit quelqu'un de différent, de... peut-être se dire, tiens, c'est bizarre. Mais bon, une fois qu'on côtoie les gens, il n'y a aucun souci. Il est venu en France, il a été immigré, il a travaillé avec des gens et des travailleurs de tous les pays. Petit à petit, on s'habitue. Et moi, j'ai eu la chance, moi, de grandir dans un endroit où il y avait des gens de tous les styles, de toutes les races, de toutes les couleurs. Vraiment. Et moi, je dis, c'est une richesse. Parce que pour moi, alors moi, des fois, les gens, je discute avec les gens, je dis, moi, j'étais avec des enfants de tous les pays. Et il n'y a aucun souci, on a été élevés ensemble. On avait des cultures différentes, mais quand on était dehors, ben, on était tous du même pays, quoi. Il n'y a pas de problème. On avait tous... l'amour de son origine, ce qui est à fait normal, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose qu'il faut revendiquer. Moi, je dis, non, il ne faut pas dire, non, moi, je suis pas... Voilà, moi, j'ai tourné la page, maintenant, je suis français. Non, on a des origines et il faut les revendiquer. C'est tout à fait normal. Et c'est bien de s'y intéresser aussi. Mais quelque part, on me dit, ouais, alors tu ne te rendais pas compte que le petit gamin avec toi, par exemple, il était de couleur. Je dis, bien sûr que j'en s'en rendais compte. Attends, une couleur, c'est une couleur. Mais dans le fond, il était comme moi. Donc, moi, il n'y avait pas... La couleur, c'est pas ça qui va nous servir de barrière. Il faut arrêter les bêtises, quoi. Ça peut être... Malheureusement, les gens s'entretuent pour la couleur, la religion. Non, au bout d'un moment, il y a des bonnes choses dans toutes les choses. Donc voilà, il faut s'intéresser. C'est un peu ce que j'essaie de développer dans mon album, à peu près tous ces aspects de la société, que ce soit aussi bien le racisme, la politique. Voilà, j'essaie de prendre un panel assez grand en disant j'ai un point de vue qui n'est peut-être pas forcément le meilleur, mais je vais essayer de le partager avec les autres, savoir si au moins des gens qui peuvent être sur la même longueur d'onde que moi. Oh, je suis sûr que oui. Et j'espère toucher aussi bien les jeunes, les moins jeunes et les moins jeunes. Voilà, il faut arrêter toutes les barrières, parce qu'on parlait tout à l'heure de religion, de couleur, de pays d'origine, d'âge, parce que il y a aussi un racisme entre toi t'es un vieux, moi je suis un jeune depuis bien plus longtemps que toi, donc moi en jeunesse je m'y connais peut-être mieux que toi, voilà. Et toi t'es un futur vieux, donc écrase. Ah. Voilà, il faut dire ça comme ça, on s'en fout de l'âge. Moi j'ai des jeunes qui sont venus ici, ils m'ont fait un plaisir fou à reprendre des morceaux de Led Zeppelin, des choses comme ça. Ah. Et voilà, et pourtant moi je dis bravo, voilà, quand c'est des jeunes, quand c'est des vieux, je m'en fous moi complètement du moment qu'il y a quelque chose à partager et à passer des bons moments ensemble. C'est le plus important. C'est ce qu'ils apportent et ce qu'ils me donnent qui est important. Ouais. Le reste après, on fait avec. Quoi. Ben, la preuve, je dis, Pascal, ça fait des années que je le supporte. Je ne devrais pas. Je suis trop bon avec cet enfant-là. Mais que veux-tu? C'est mon boulet, donc je vais le supporter encore comme ça pendant quelques années. Et c'est vrai qu'on a partagé beaucoup de moments, aussi bien de joie, de tristesse ensemble. Et ça fait quand même trop longtemps qu'on se supporte. Voilà, c'est vraiment le copain. Là, il y a une phrase qui est importante, quand on parlait de couleur, ma première fille, qui a maintenant 40 ans bientôt, je faisais déjà de la photo, mais familiale. Et donc, elle regardait les photos, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Jimo, elle regardait les photos et sa mère lui disait, c'est qui là à côté? Et elle disait, c'est Jean Mo. Et il est, ben c'est Jean Mo. Voilà. Et il est, ben c'est Jean Mo. Et il est, parce qu'elle voit, elle voit bien les. Mais, voilà. Ça veut dire que, je ne vais pas reprendre un discours que je n'aime pas, mais la pureté de l'âme, la pureté de la, de la, de la, la tolérance qui est en ces personnes fait qu'il n'y a pas de sectarisme. Il n'y a pas, la couleur ne représente absolument à rien. Ce qui m'a fait prendre conscience, on avait eu une discussion là-dessus avec ma vieille canaille, que c'est par l'éducation que l'on apprend à être tolérant ou intolérant. Il y a une chanson qui m'a toujours suivi depuis très longtemps, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses amis, on choisit pas non plus les trottoirs de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Mm-hmm. C'est de Maxime Le Forestier. Tout à fait, ouais. Alors je connais pas, je vais pas chanter tout ça, mais c'est exactement ça. Et puis dernier point, j'ai aussi travaillé sur ces dernières années sur un projet qui m'a tenu à cœur, dont je vais sortir le troisième opus en vidéo. Petite pub hein, sur ma chaîne YouTube, sur un documentaire sur la mémoire de mon quartier de naissance dans le nord de la France, où c'est il y avait, dans la cité où je suis né, j'ai 63 ans, il y avait 17 nationalités différentes qui vivaient ensemble. Alors il y avait du boulot, hein, c'est complètement différent, c'était des mineurs. Et j'ai interrogé des jeunes, des moins jeunes. J'en ai fait deux documentaires de 40 minutes à peu près. Et le troisième va sortir. Et dans le deuxième, il y a quelque chose d'absolument émouvant qui est un copain d'enfance que j'interroge sur différents sujets. Et à la fin, je leur demandais à chaque fois s'ils avaient un message à passer aux jeunes générations. Parce qu'en fait, on est les derniers Mohicans. Un ami d'enfance m'a dit, plus âgé que moi, m'a dit, on est les derniers Mohicans. Et cet ami, quand je l'ai interrogé, il m'a dit, tu vois, j'ai une image. Il y avait des, alors pour les auditeurs, il y avait des Polacs, il y avait des Boches, il y avait des Rital, il y avait des Pingouins, il y avait des Portos, il y avait des Marocains. On disait pas Bougnoul. On disait pas Bougnoul. Ah non, ça se disait pas encore à l'époque. Ça se disait pas. Non, non. Il y avait des Marocains, il y avait des Algériens, il y avait des Yougos, il y avait. Oh, mais bien sûr, ça n'empêchait pas qu'on se traitait de sale Polak, Rital, spaghetti de moins que rien. Mais on formait une équipe de foot, symboliquement, et on jouait tous ensemble. Et ça. Pour le même but. Dans le même but. Ouais. Et ça, c'est pas du passéisme, c'est pas de la nostalgie mal vécue. C'est juste un constat où je me dis, mais comment se fait-il qu'en moins d'un demi-siècle, oui, moins de 40 ans même, tout ça est volé en éclats. Alors, on en connaît les raisons, et c'est pas ici qu'on va parler, mais ces témoignages sont absolument bouleversants parce que ils parlent non pas d'un temps de nostalgie, un temps qu'on aimerait bien voir revenir. C'était pas mieux avant, c'est pas vrai. Enfin bref, c'était pas beaucoup mieux avant. Mais c'était un monde dans lequel ce partage, ce sens du partage, ce sens de la tolérance, c'est pas un sens, cette tolérance, qui était. Nous, on ne parlait pas de tolérance. Je n'ai jamais vécu ce mot, je l'ai jamais entendu quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent et enfant et un peu jeune adulte. Je l'ai jamais entendu. Parce que nous le vivions au quotidien. Oui, c'est un mot qui n'existait pas. C'est un mot qui n'existait pas parce qu'il n'y avait pas cette intolérance dans l'absolu. Alors, c'était pas le monde de Bisounours. C'était loin d'être le monde de Bisounours. Les cités minières, les cités industrielles sont loin d'être un monde et dans tous les pays du monde. En Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, proche, où il y avait aussi des mines, des sidérurgies. C'est loin d'être un monde de bisounours, mais c'était un monde dans lequel certains mots n'existaient pas. Alors, mots M-O-T-S, je vais me faire un télo, Jean-Mot. Oui, mais je t'en prie. Et mots M-A-U-X. Et ces mots ont pris une ampleur qui me perturbe, me trouble, m'angoisse par moments. Pour moi, c'est fait. Le parcours, il est maintenant tranquille. Mais c'est pour les jeunes générations que j'ai un peu peur et que j'essaye de leur laisser à mon modeste niveau un témoignage de ce qui existait avant, non pas sous la forme de la nostalgie et non pas sous la forme d'une leçon de vie, mais sous la forme de prenez garde. Prenez garde à ce qui est en train d'arriver. Prenez garde à ces discours haineux. Prenez garde à même chacun l'un envers l'autre. Oui, ce que tu disais. J'ai l'impression que ce genre de discours-là, aujourd'hui, nous fait passer pour des vieux grincheux. Oui, tout à fait. On dit, ouais, mais ils sont les vieux, machin et tout. Alors que ça fait partie de l'ADN de l'être humain, je crois, d'aller au-devant de l'autre, d'être serviable, de rendre serviable. Voilà. C'est juste le béaba, quoi. Mais c'est vrai que... Et puis, il y a quelque chose qui nous a unis aussi avec Jean-Maurice, c'est la musique. Oh bah. C'est voilà. La musique. On a parlé tout à l'heure du sport, là. Tu parlais de football. Ouais. Le sport, moi, je crois que c'est la bonne chose qu'on ait une équipe. On a des gens qui sont tous différents les uns des autres. Oui. Mais on est tous là pour la même chose. Ouais. Et à partir du moment où on arrive à regrouper toutes les personnes pour quelque chose, ça peut être pour le sport, pour la musique, pour le travail, eh ben, on s'aperçoit, on voit les vraies valeurs des gens. Au-delà des premières impressions qu'ils nous ont données au départ, on s'aperçoit que lui, ah ben il est très bon pour ça. Tiens, ça peut être la musique. C'est un bon bassiste. Ouais, j'adore jouer avec lui parce qu'il est vachement bon. Et puis voilà. Après on regarde. C'est un bassiste. C'est un avant-centre. Mais on regarde plus. Voilà, il vient de telle région. On s'en fout. Moi, le seul truc qui me gêne dans le sport, c'est surtout le foot. D'accord. Je sens que je vais créer une polémique. Hein, je vais peut-être me faire taper dessus. Mais ce que je déteste au foot, c'est les gens qui viennent dans un stade pour se taper dessus. Ce que je n'ai jamais vu... Alors, j'ai une passion pour le rugby. Déjà, quand on voit un arbitre de rugby, le mec qui fait 1m10, 1m50, il a en face de lui des costauds qui font 2m10. Il les appelle en disant, attention, je te préviens, les autres, ils font profil bas et ça s'arrête là. Au foot, c'est tout le contraire. Pratiquement, ce sont les joueurs qui veulent taper l'arbitre en mettant en cause son jugement. Et après, on a des fous furieux dans le stade qui descendent pour taper les footballeurs. Moi, c'est plus du sport. Moi, le sport, ça va quand même rester quelque chose de convivial. Bon, c'est vrai qu'on peut un peu se châtaigner sur le terrain. Oui. Mais attention, l'arbitre qui regarde, donc je ne vais pas faire l'indécis. C'est de bonne guerre, moi, je sais. Guerre. Par exemple, il y a un match entre les Portugais, les Espagnols, les Français. Oh, on aime bien ce... Moi, personnellement, qu'est-ce que ça va changer que ce soit l'un ou l'autre qui gagne? Voilà, c'est pour me... J'aurais aimé peut-être mon équipe qui gagne. Voilà. Elle n'a pas gagné. Les autres ont bien joué. Voilà. Non, mais ils étaient meilleurs que moi. Ils sont meilleurs. Voilà. Les binationaux, on a quand même un gros avantage. C'est que moi, je suis naturalisé. Donc, quand il y a un match France-Espagne, j'ai un maillot réversible. D'accord. C'est-à-dire que l'avant, c'est la France. L'arrière, c'est l'Espagne. Quand la France marque, je mets le côté bleu. Quand l'Espagne marque, je mets le côté rouge. Et comme ça, j'ai toujours gagné, en fait. Si tu veux, quand il y a France-Espagne, j'ai toujours gagné. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Non, mais pour revenir à ce qu'on disait sur la musique, nous nous sommes découverts très tôt des groupes communs. Alors, même génération, jeune, hein. Donc, ça va de Led Zeppelin en passant par Grateful Dead, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix. Meilleurs. On a commencé à se parler de Woodstock. Il m'a dit tu connais. Ouais, un peu que je connais Woodstock. Après, moi, je lui parlais de choses et d'autres. Et Jean-Maurice est d'une famille de musiciens aussi. Parce que c'est pas de maintenant qu'il joue de la musique. Bon, enfin, il jouait. Enfin, façon de parler, quoi. Je veux dire, moi, quand je l'ai connu en 89, ah oui. tu grattais. Tu grattais de la guitare. Mais jusqu'aujourd'hui, je gratte encore de la guitare. Non, mais tu grattais, je veux dire, c'est-à-dire tu pétais les cordes, quoi. tu te prenais pour Jimi Hendrix qui était en train de faire son solo. Mais c'était notre préférence, Strangling de l'hymne américain. Strangling Banner. Bon, après, il a ses excédents. Bon, ce qui fait que maintenant, il a dû se mettre un dentier. Donc, ça se dit pas, ça. Donc, non, mais c'est une famille de musiciens. Tous les frères sont musiciens. Et c'est vrai que c'est la musique... moi, j'ai eu cette chance donc, d'avoir des grands frères musiciens qui m'ont fait découvrir... J'avais quoi, peut-être 13-14 ans. Ils m'ont fait découvrir Jimi Hendrix, Led Zeppelin, machin et tout. Et grâce à eux, je les remercie aujourd'hui. Mon évolution musicale s'est faite, quoi. Et aujourd'hui, tout le bagage que j'ai... Bon, déjà, je le tiens un peu de mon pays d'origine, la Centrafrique. Puisque là-bas, on écoutait surtout de la musique française... Puisque nous étions dans une colonie française. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Musique africaine, afro-cubaine, voilà. Et c'est en quittant la Centrafrique, arrivé à Madagascar, puisque j'ai fait un tour par ce petit pays formidable d'ailleurs, que là j'ai commencé à découvrir autre chose. Les Beatles. Ça a été ma découverte. Après, ça a été les Equals. Baby Come Back. Baby Come Back, oui. Voilà. Et après, j'arrive en France et on me dit, tiens, il y a des mecs qui sont pas mauvais. Il y en a un qui s'appelle Led Zeppelin. Ah, il y en a un qui s'appelle Khaledid. Oh, oh, il y en a un qui s'appelle Intel. Et puis d'un seul coup, je tombe sur le cul quand mon frangin me fait découvrir Jimi Hendrix avec The Wind Cries Mary. Et là, je me dis, waouh, c'est quoi ce mec? Ah, c'est un extraterrestre, ah, hein. Jimi Hendrix, c'est quand même une référence, c'est quand même... Et à l'époque, on était tous des Jimi Hendrix. Chacun prenait sa guitare en disant, je veux faire comme Hendrix et tout. Il y a eu du boulot, il y a eu de la casse. Mais voilà, c'est voilà. Ça qui fait que, bah, avec l'afro-mec à côté de moi, là, on s'est découvert, on a commencé à parler musique, sport, entre autres aussi. Et c'est resté comme ça. Et quand j'ai commencé à faire mon album et qu'il me fallait quand même un vidéaste de qualité, j'ai pensé à qui ? À lui. Ouais, enfin, à Pascal. Un vidéaste, ouais. Enfin, ça, c'est vraiment la partie... ouais, on se débrouille bien tous les deux. On a bien rigolé quand même. On s'est bien éclaté avec ces vidéos-là. On ne dira pas les conditions de tournage parce que... Non, il y a encore des enfants qui nous écoutent. Voilà. D'accord. Bah, depuis tout à l'heure, on est en train de papoter. Et ça permet d'être très animé, mais il va falloir passer un petit peu de musique quand même parce que... C'est toi qui décides. Bah, justement, on a parlé tout à l'heure de nos influences, l'éducation. Oui. Les parents. La famille, très important. Donc ça c'est quelque chose qui nous... bon, c'est quelque chose, c'est vraiment je crois que c'est une des choses les plus importantes du monde, c'est qui permet aux gens de se construire, c'est déjà les parents, l'éducation qu'on nous donne. Le père, la mère. Ouais. Ce sont nos bases. Moi je dis, la personne qui n'a pas ces bases-là ou qui renie ces bases quelque part, ou inversement, des fois c'est pas forcément le vrai papa, le vrai maman qui les ont élevés. Aucune importance. C'est la personne qui leur a inculqué cet amour, cette éducation qui est la plus importante. Voilà. C'est mon cas. D'où la chanson donc Maman. Ouais, qu'on va écouter tout de suite. Voilà. Parce que entre mon père et ma mère, il y a eu séparation. Et après, j'ai eu l'occasion d'avoir été aimé par toutes les femmes dont j'ai eu la chance de croiser la route. Et automatiquement, elles m'ont pris pour leur enfant. Elles m'ont cajolé, elles m'ont donné de l'amour, de l'affection. Et en grandissant, quand je suis devenu homme, il y a eu des femmes qui m'ont dit, voilà, t'es quelqu'un de sympa, machin et tout. Il y en a même trois qui ont voulu faire de moi des papas. Aujourd'hui, voilà, je suis fier, quoi. Et à toutes ces femmes-là, je voudrais dire merci pour l'amour et l'affection que vous m'avez donné. Donc, pour moi, la meilleure façon de leur dire, c'est en musique. Très bien, on écoute donc le premier titre de Jimo, donc ce soir, qui s'appelle Maman. Maman. C'est parti. En mer, toi, ma tante, tu m'as regardé. accueilli. Ma sœur devint votre héritière. De ça je peux m'enorgueillir. Maman, que tu sois pute ou femme du monde, le rôle que tu as restera crucial. Tu nous as donné le jour sans faconde. Je te rends hommage et c'est primordial. Voilà donc le premier morceau de cette émission que nous diffusons de l'artiste que nous recevons ce soir dans l'émission numéro 493. Il s'agit de Jimo, il est là devant moi et on va découvrir un petit peu tout son univers. Donc on a écouté le premier morceau qui s'appelle Maman, donc qui parle de sa maman, de ses mamans. Ses nombreuses mamans. Et puis nombreuses. En même temps, ce morceau c'était aussi un hommage à toutes les femmes et un coup de gueule contre ces braves messieurs. Ces hommes qui, quand ils commencent à discuter entre eux, à s'invectiver, quand ils n'ont plus d'insultes nécessaires, arrivent à traiter l'autre de fils de pute. Mmh. Ça, j'ai vraiment du mal à l'accepter, parce que comment peut-on traiter une femme qui aurait pu être notre mère de pute ? Et puis d'abord, si cette femme, c'est son métier, elle a envie d'être une putain, mais laissons-lui faire la putain. Ou alors peut-être qu'elle est putain, c'est juste pour permettre à ses enfants de manger. Oui, elle est contrainte et forcée. On ne connaît pas les conditions, justement. Mais voilà. Donc, quand je dis... Grand respect pour ces personnes-là. Voilà. Grand respect pour ces femmes. Hein, c'est pour ça que, pour moi, toutes ces femmes, ce sont mes mamans. Et toutes ces putains, ce sont mes mamans. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce qu'elles ont fait, c'est pour moi. Donc... Mesdames, respect. Et messieurs, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez une femme, témoignez-lui du respect. Et si vous avez envie d'insulter un homme, ne le traitez pas de fils de pute, parce que votre mère aurait pu faire exactement la même chose que cette femme. Donc, message de tolérance. Voilà. Et puis, c'est pas joli de dire ça. Non. Et puis, on respecte les gens, et puis on dit, on peut se taquiner, on peut dire des gros mots, mais il y a certains qu'il faut mieux éviter. Voilà. Je préfère qu'on me traite de... J'ai failli dire gros con, parce que je suis pas si gros que ça, de con, tout court, plutôt que vouloir... Insulter ma mère. Ouais. Voilà. Quand on n'arrive pas à toucher les gens directement, on les touche par l'intermédiaire d'autres personnes. Et ça, c'est pas sympa du tout, c'est pas bien. Voilà. C'est nul, c'est petit. C'est comme les gens qui veulent pas affronter quelqu'un, qui vont rayer la voiture sur le parking. Voilà, en plus, c'est minable. Et en plus, là, ça vient de me donner une idée. Je pense que je vais peut-être me lancer dans la défense des forces de l'ordre. Parce que tu as des bonnes raisons pour ça aussi. Moi, je pars du principe que soit un policier, un gendarme, il fait son travail. Tout à fait, oui. D'ailleurs, il faut avoir le respect de l'uniforme. Ça, je pense que c'est quelque Exactement. Chose. Le gendarme qui m'arrête, il y a forcément une raison. Si je reste poli avec lui, il n'y a pas de problème. L'affaire va se régler en 5 secondes. Si j'ai fait une erreur, je la reconnais en disant « Monsieur le gendarme, monsieur le policier, excusez-moi, j'ai fait l'erreur. » Lui, ça lui permettra à lui d'être indulgent avec moi. De toute façon, si on se brusque contre ces personnes-là, ça ne sera pas mieux. Voilà, donc ça ne sert à rien. Mais la plupart du temps, c'est comme dans les cas dont on parlait tout à l'heure, on voit toujours la minorité qui fait du tort à la majorité. Dans tous les flics, dans tous les gendarmes, il y a une minorité qui n'est peut-être pas forcément sympathique. Mais je dirais que, 99,9% des forces de l'ordre sont des êtres humains qui arrivent à comprendre et qui ne font que leur travail. Mais heureusement qu'ils sont là, parce que imaginons une société où il n'y aurait pas de personnes qui sont là pour faire respecter. Parce qu'au bout d'un moment, qu'on dépasse les limites, s'il n'y a personne pour nous retenir, ça devient du n'importe quoi. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui soient là pour faire respecter l'ordre. On en revient toujours à la famille, le papa, la maman, qui sont là pour faire régner l'ordre. Si ces deux-là disparaissent, l'enfant est livré à lui-même. On a besoin de limites. Mais oui. On a besoin de limites. Et en plus, moi, ça me fait un petit peu sourire, parce que tu sais, parmi les musiciens que je reçois, ils ne sont pas tous professionnels, donc certains ont d'autres travails. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils étaient policiers ou gendarmes. Effectivement, j'en ai reçu ici. Et ils me disent, mais tu ne le dis pas. Je dis, mais j'ai pas l'habitude de demander aux gens quel métier ils font. Ils sont là en tant que musiciens, ils nous parlent de leur musique. S'ils ont envie de nous parler de leur métier, ils nous le parlent. Mais ce n'est pas une question que je vais poser. Mais non. Et à la limite, je m'en fous un peu. Tant mieux, moi, ils sont gendarmes, ils sont policiers. C'est pas quelque chose comme si c'était... Non, c'est l'être humain que l'on a en face de soi. Ouais. Voilà. Il est gentil. Il est idiot, il est gentil. Après son métier, ça ne regarde personne. Oui, mais si vous en parlez, il n'y a pas de souci aussi. Oui, hein. Il y en a certains qui étaient ambulanciers, ils m'ont parlé de leur métier en disant, c'est quelque chose où c'est un métier que j'aime parce que justement, je m'occupe des personnes, j'ai l'impression de participer. Voilà, moi, je trouve que c'est bien de le dire aussi. Voilà. Ça peut se ressentir aussi dans sa musique, dans ses paroles. C'est le cas que j'ai eu quand j'ai rencontré certains gendarmes, certains policiers, quand je leur posais la question pourquoi. Je dis, mais oui, parce que je suis là, c'est pour rendre service, pour aider les gens qui sont dans les problèmes. Voilà. Et on en revient toujours au côté partage, rendre service, quoi. Ils sont là pour une mission. Et puis, l'autre mission aussi, c'est la dire, là, t'as été trop loin, garçon, on va t'arrêter. Mais ça aussi, faut le comprendre. Il y a une raison. De toute façon, il y aura un jugement et tout ça. Et la justice est quand même pas si mal faite que ça. Et on est dans un pays où on peut dire il y a des gens qui vont toujours trouver des choses. Mais il faut savoir que on n'est pas le plus mal loti du monde. Hein. Il y a des endroits où on n'a pas le droit de dire certaines choses, hein, ou sinon on disparaît. Hein. Ça fait partie aussi d'une de mes chansons, cette fameuse ouverture de dire aux gens arrêtez de vous plaindre. Vous vivez dans un pays où vous avez à peine le temps de vous couper le doigt qu'on vous amène déjà à l'hôpital et que vous êtes soigné. Dans certains pays, on vous amène à l'hôpital, on vient voir en disant « tu vas mourir ». Donc, que les gens réfléchissent et relativisent un peu en disant « la France, elle est ce qu'elle est », mais c'est un beau pays quand même par rapport à certains, quoi. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai plein de sujets comme ça en tête. On se rend rarement compte du fait que de ce qu'on a. Quand on le perd, on s'en rend compte. Mais quand on vit dans un pays où finalement c'est quand même une démocratie, on a le droit de dire ce qu'on veut, etc. Il y a des pays où on n'a pas le droit du tout, et puis plein de choses sont interdites. On a cette chance-là. Bon, essayons de la garder aussi. Hein. Oui. Il faut aussi peut-être des fois lutter pour éviter que d'autres abus viennent et qui nous empêchent d'ouvrir un petit peu notre gueule. On a le droit de dire jusqu'à présent ce qu'on veut dire. Encore. On peut encore se mais permettre. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, les gens qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, ce sont ceux qui n'ont jamais quitté la France. Ils n'ont jamais quitté leur pays. Ils ne voient que la France. Par contre, je suis tombé sur des jeunes de 20-25 ans. Au bout de quoi, 2-3 minutes, je lui dis simplement « Dans quel pays t'as été ?» Elle me dit « Ah oui, j'ai fait tel pays. » L'ouverture d'esprit était là tout de suite. Alors que d'autres, « Ouais, là-bas, c'est sale, c'est dégueulasse. » Je dis « Est-ce que t'as bougé un peu de France ?»« Non, je connais pas. » Je dis « Déjà, va voir ailleurs. Et quand tu reviendras, on va discuter. » Et c'est vrai que ça fait plein de sujets qui me viennent en tête. Bon, c'est vrai que j'ai pas la plume d'un Rabelais, d'un Baudelaire et tout, mais je vais essayer de coucher tout ça sur papier, et si la musique me vient, pourquoi pas faire un morceau là-dessus. Très bien, donc voilà, encore tu as déjà des idées pour les prochains morceaux, les prochains enregistrements. Ah ben, pour les prochains 50 ans qui me restent à vivre, en étant honnête, hein, je crois que j'ai encore matière à faire, quoi. Et donc, je vais laisser mon cerveau, comme je disais dans une de mes vidéos, délirer un maximum sur ce genre de sujet. Très bien. On va revenir un petit peu à cet album. Alors, cet album, il y a combien de chansons Neuf chansons. Donc, c'est un vrai album avec 9 chansons. C'est déjà, c'est pas un petit EP, c'est déjà quelque chose de conséquent. Est-ce qu'il va être un jour pressé ou sortir en vinyle ou en cassette? J'en sais rien. Il va falloir que j'arrive à trouver un producteur, que j'arrive à trouver quelqu'un qui me permette de faire ça, parce que... C'est pas, tu peux ? Oh là là. Ça y est, on a trouvé un producteur en direct live dans le studio de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Africa. Effectivement, ce serait mon rêve de le sortir sur CD. Bon, j'ai failli dire sur vinyle, mais le vinyle d'aujourd'hui, c'est juste le support qui est vinyle, mais le son est quand même numérique. Tout à fait. Alors, on n'enregistre plus dans les mêmes conditions que déjà les derniers disques vinyles, parce qu'à l'époque il y avait que ça avant les CD, ils passaient déjà dans des studios numériques, donc c'était déjà plus le même son. Hein. À l'époque on était content parce que c'était quelque chose de limpide, de clair, d'accord, mais il a perdu peut-être son âme qu'il avait avant. moi je sais que je suis un nostalgique, moi j'écoute beaucoup de numérique, la plupart du temps c'est ça, et de temps en temps le plaisir aussi d'écouter. Moi, j'ai redécouvert tout bêtement sur un vieux magnétophone, j'ai réécouté les cassettes et j'ai dit, mais le son, qu'est-ce qui manque à ce son ? Oui. Il y a tout. Oui. On a des bonnes cassettes bien enregistrées sur un bon magnétophone avec un bon ampli, des bonnes enceintes. Je dis, mais le numérique, il m'apporte plus que ça ? Non. Non, il n'y a pas de numérique. C'était vraiment enregistré dans les années 80 par moi-même, par mes soins, et que je réécoute avec beaucoup de plaisir sur des bonnes cassettes. Et je me dis, il ne manque rien. Je te lance une invitation. Si un jour tu n'as rien à faire, on se réunit tous les trois chez moi. Je te sors. Bon, ça va être facile parce qu'on n'habite pas loin finalement. Tu habites à la Chapelle aussi ? Aussi, oui. On se fait une après-midi. Je vais te sortir mes vieux vinyles. Bon, déjà pour le plaisir d'avoir le vinyle avec les vinyles. C'est ça. Moi, je me souviens, on avait un vinyle. On s'est échangé. On ne pouvait pas tous les acheter. Donc, avec les copains, il y en avait un tel qui avait un tel. Tel morceau, tel album. Donc, on achetait les cassettes vierges. Tu me le prêtes. Je l'enregistre chez moi. On l'emmenait sous le bras. On était tout contents. Oui. On le mettait sur notre platine. Et là, on prenait la pochette et on la lisait. On lisait tout. Tout. Le balayeur qui avait participé au machin, le truc, tout était dessus. Et on lisait tout. Et on se rendait compte, finalement, on avait une connaissance, on avait une soif de connaissance, parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet. Les informations qu'on avait, c'était dans certains amis, certains magazines. Rock'n'Folk, Best, etc., pour en citer d'autres. Et on regardait là-dessus, tiens, Frank Zappa, ceci, cela, tiens, machin. Ouais, d'accord. Ah, il a une guitare comme ça, ouais. Et après, on regardait. Ça nous faisait rêver, tout ça. et on se rend pas compte de l'impact que ça avait. Cet album en carton que tu touchais. Touché, avec une photo haute qualité, quand même, grand format. Fallait nettoyer ton vinyle pour pas qu'il puisse trop craquer. Ouais, c'est ça. Je te dis, un jour. Tu viens avec Pascal. Ok, avec on plaisir. Se pose et on va se faire ce petit plaisir. Et tu verras que le son... Alors, parce que j'ai l'avantage d'avoir une platine tourne-disque et un CD. Ouais. On écoutera les deux et tu verras la différence. D'accord. Oui, oui, je connais exactement. Parce que moi aussi, j'écoute beaucoup de musique avec beaucoup de support. Et c'est vrai que... le numérique, c'est bien. Moi, j'ai connu les cassettes où on avait beaucoup de mal. Les cassettes, elles prenaient du souffle quand on les écoutait oui. très souvent. On les mettait au soleil et s'abîmait. On les posait sur une enceinte et s'effaçait un petit peu. Ouais. Donc, il y avait tous ces petits défauts. Quand le numérique est arrivé, aujourd'hui, on a fait un enregistrement. Il est clair. Il est pratiquement pareil que l'origine. Mais je sais pas. Il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose. Parce que c'est pas le... l'analogique, finalement, c'est l'analogie de notre tympan, il vibre à une certaine fréquence et le haut-parleur vibre pareil. On n'est pas passé par des intermédiaires. Aujourd'hui, on prend des intermédiaires, on grave les intermédiaires et après, on restitue l'onde. Mais il y a eu une déformation entre les deux. Et est-ce que, je ne sais pas, est-ce que nous, on arrive à le percevoir? Je ne sais pas, mais inconsciemment, je crois que oui. Notre rêve. c'est bien pour ça que si effectivement, il fallait que je rentre en studio... Voilà, le rêve, ce serait Abbey Road, quand même. Abbey Road, ouais. Bon, je vois peut-être là où il y a des Beatles. Ah ouais, ce serait vraiment le rêve, quoi. Mais c'est de me dire, faire quelque chose de beau, de propre, et que je puisse vraiment travailler tous les morceaux. Parce que là, j'étais seul à le faire. Bon, j'essaie de faire quand même quelque chose de propre pour le présenter au monde. Mais si, effectivement, j'avais cette chance de rentrer en studio et qu'on me dise, tout ça, ça t'appartient, vas-y, fais mes muses. Oh, ben, je crois que le Jimoui, ça y est, s'éclaterait comme une bête là-dedans. Hein. Mais bon, j'arrête de délirer, j'arrête de rêver. Hein. Mais je le souhaite, le souhaite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pareil. Quand on regardait, moi je me souviens à l'époque, par exemple, la console de mixage sur laquelle a été fait Dark Side of the Moon de Pink Floyd, oui. On la voit, elle est en bois, elle a été montée, voilà, c'était un truc artisanal. C'était un truc qui nous faisait rêver, c'était un truc de l'espace extraterrestre. Aujourd'hui, on dit mais c'est complètement démodé avec le numérique, on fait la même chose. Oui, effectivement, mais il y a eu quand même des grands musiciens qui ont travaillé dessus mais oui. avec leurs oreilles. Parce qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on a beaucoup de matériel, on n'a plus d'oreilles. À une époque, même si on n'avait pas la perfection, on sélectionnait le meilleur du meilleur pour obtenir ce qu'on voulait. Voilà, il y avait tout un travail qui était beaucoup plus laborieux, mais on a des résultats. Moi, j'écoute les Pink Floyd avec un plaisir. Quand j'écoute aujourd'hui, je dis, mais ouh, est-ce qu'on sait encore faire ça aujourd'hui? C'est ça. Voilà, je crois que non. Il y avait des précurseurs. La technologie de l'époque qui permettait quand même... Je ne sais pas quel guitariste avait fait ça. Est-ce que c'est Hendrix? Est-ce que... Je ne m'en souviens plus. Mais c'est une anecdote qui m'avait marqué. Peut-être le guitariste de... pas Led Zeppelin, de Deep Purple. Deep Purple. Blackmore. Ouais. Qui avait branché sa guitare oui. sur un petit magnétophone pour avoir un son particulier. La recherche, quoi. Il n'avait pas tout ce qu'on avait d'électronique aujourd'hui. Le mec, il est parti chercher ça. Et il a trouvé quelque chose. Et je crois que c'est aussi les Rolling Stones, je ne me souviens plus du morceau, qui avaient enregistré sur cassette pour avoir un son particulier. Mmh. Donc, c'est ce travail de recherche, moi, qui m'intéresse. Et rentrer en studio, c'est de me dire, waouh, t'as tout ça, garçon. Vas-y, éclate-toi. C'est marrant cette conversation parce que juste avant de débuter l'émission avec Jimou, on parlait exactement de ça. Je lui disais que j'avais vu une émission pendant le premier confinement, ouais, très tard dans la nuit, sur le studio d'Abbey Road. Et l'ingénieur du son expliquait que 8-16 bandes, je ne sais plus trop, il y avait 8-16 bandes en magnéto. Et il lui fallait une oreille absolument, ils étaient 2-3 et il y avait Paul McCartney et John Lennon qui venaient pour le morceau The Benefit of Mr. Knight. Et pour incorporer des sons, c'était un travail d'orfèvre parce que le son sur la piste 8, il devait arriver en même temps que le son. Ouais. Oui, c'était pas des samples qu'on lançait avec un seul bouton. À l'époque, c'était un calage de bandes. C'est marrant. Enfin, voilà, c'est juste pour l'anecdote de mission. C'est parce qu'on parlait exactement de ça. Je lui disais, mais c'est hallucinant. Et effectivement, Jean-Maurice a une collection de platines et c'est grâce à ça, de vinyle, pardon. Oui. Et c'est grâce à ça aussi qu'il a formé notre deuxième fille. qui, quand on allait chez lui, elle montait, je me rappelle, dans la mezzanine. Ouais. T'allais la platine et puis tu lui faisais écouter les Beatles. Ouais. Et d'autres. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Voilà. Et ça lui a formé son oreille musicale à tel point que Clémence, tu n'écoutes pas, son premier fiancé était un musicien. Mmh. D'un groupe qui a existé dans le Valenciennois, un groupe qui faisait un peu de la musique genre Pink Floyd. Ouais. Et lui, il était bassiste. Et je l'avais forcé pendant 10 ans à faire de la guitare classique et ça l'a aidé. J'ai dit forcer parce que je dis quand tu auras 18 ans, t'arrêteras. Et ça l'a aidé parce que elle se rappelait de tout ça et et quand on parle musique, c'est un lien entre beaucoup de personnes dans nos relations. En fait, elle nous a permis de nous mettre en lien, en relation, de partager cette passion pour moi je suis rien à côté de Jean-Maurice, il connaît maintenant et son frère petit Pierre, c'est hallucinant. Et oui, parce que les Africains ont tous des prénoms, des surnoms, n'est-ce pas? Donc pas que les Africains, hein. Ouais, je sais. Là je crois que Témori va t'assassiner, petit Pierre. Je te connais pas, d'ailleurs. Ce lien, ce partage, cette richesse de Jean-Maurice me disait souvent, t'écoutes là le solo machin. Ah oui, puis il y a eu la période où on est allé en concert sans arrêt au Zénith. T'allais voir B.B. King N'oublie pas, les meilleurs, c'était à Paris. Au Stade de France, c'était... Les Rolling Stones. Et on les a vus au moins une fois dans notre vie en live. Oh. Et donc, Jean-Maurice m'expliquait exactement les... Moi, quand on est allé voir Sting au Zénith, la basse que je jouais à contre-temps, et moi, ça fait deux, quoi. Hein, c'est pas, la batterie, machin, truc. Et l'avantage, c'est qu'il m'expliquait, mais pas juste comme ça, 2-3 minutes, écoute... Regarde, écoute, regarde. Regarde la batterie, t'as vu, elle part après. Ah ouais. Et là, d'un seul coup, sans rien connaître à la musique, il y a un regard différent sur un concert. Tout à fait. Et c'est passionnant parce que B.B. King, au Campo Santo, m'expliquait, on est allé voir, enfin, pendant un moment, on n'arrêtait pas d'aller voir des... Non, Ike Turner. Enfin, et à chaque fois, il a ce sens du partage de ne pas garder ce truc, ses connaissances pour lui et de dire... Bah tiens, écoute, regarde, écoute et regarde. Herbie Hancock qui faisait ses balances au Campo Santo alors qu'il rentrait de Pologne et qu'il rien n'était réglé. Et moi je comprenais rien. Et il me dit, mais attends, tu vas, écoute. Attention, t'as vu là, tac, tac, tac, tac, tac. Écoute bien, t'as vu là, c'est pas bon. Là, il y a de l'écho dans le baf là. Écoute, tac, tac, là c'est bon. Moi j'étais, c'est bon là. Écoute, tu vas voir, il va partir normalement. Là, il devrait jouer pendant 2-3 minutes pour l'ingénieur du son, pour ceci, cela. Et effectivement, et là d'un seul coup, oui, une minute avant, c'était de la daube, oui, c'était rien réglé, c'est même pour moi c'était bon. Et une minute, enfin j'exagère. Hein. Et après, c'était magique. Ah bah oui, ah bah c'est Herbie Hancock. Ah bah oui. On revient toujours à cette notion de partage. C'est ce que je me dis. Ça me sert à quoi d'avoir quelque chose et de le garder pour moi? Si je peux le transmettre à quelqu'un d'autre qui lui va le retransmettre, mais comme ça c'est toujours fait. Ça s'est toujours fait. Moi, je dis souvent, la musique, c'est culturel aussi. Oui. C'est-à-dire que moi, j'avais des amis qui écoutaient telle musique, ils me parlaient de leur groupe. Moi, je connaissais d'autres trucs. Il y avait un partage, il y avait un échange, et j'ai découvert beaucoup de choses grâce à mes relations, quoi, finalement. Mmh. Et il y a des choses, comme tu me dis, là, ce que tu me disais, Pascal, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti à plusieurs reprises. Moi, en plus, comme je reçois beaucoup d'artistes dans l'émission, souvent, ils m'ont envoyé des enregistrements que j'ai découverts avant l'émission. Et le jour J, quand ils reviennent ici, ils m'expliquent un petit peu les paroles de leurs chansons. Ils m'expliquent comment ils sont venus à faire ça, etc. Et quand je réécoute la chanson, je ne l'écoute plus de la même manière. C'est vrai. Parce que ce qu'ils m'ont dit m'est resté. Aussi bien dans les paroles que dans la musique. Finalement, on a une émotion, on reçoit une émotion. Oui. Et après, on essaie de l'analyser, on essaie de la comprendre. Et... moi, je sais que j'aime pas trop analyser. Parce que plus on analyse, et plus moi, j'aime bien recevoir l'émotion, et puis me dire, elle est bonne, je la reçois comme ça. Et puis voilà, j'analyse pas, sinon après, je vais dénaturer le truc. Oui, oui. Mais par contre, quand on me l'explique d'une certaine manière, je me la réinterprète avec une certaine connaissance, et je dis oui, le morceau, je le découvre autrement. Et c'est marrant, hein, c'est quelque chose. Et ça se transmet. En plus, la musique, on a cet avantage, c'est que, quel que soit le pays d'où on vient, quelle que soit la langue, oui, c'est international. Tout le monde reçoit quelque chose. Et après, il y a... Si on est ouvert d'esprit. Oui. Mais je pense que moi, si j'écoute de la musique de Papouasie ou d'Amérique du Sud, si c'est bien fait, c'est bien fait. Moi, je suis comme ça. Il y a une émotion, il y a un truc qui a, waouh, j'aime bien. Des fois, je me l'explique pas. Après, je m'intéresse plus ou moins à telle musique, etc. Je connais un petit peu les origines, les sons, les instruments. Et après, on comprend un peu mieux. Moi, je sais que j'adore la musique latine, etc. Donc, j'aime bien écouter un petit peu la musique des Andes, tout ça. C'est quelque chose qui me passionne. La musique africaine. Parce que tu as cette ouverture d'esprit. Voilà. Alors que certains, je vois certains de mes amis, même dans mon groupe, hein, ils sont très rock'n'roll. À part le rock'n'roll, il n'y a rien. Moi, tu leur dis, tiens, écoute du Fela. Ah oh, non, ça ne me plaît pas. Ah. Écoute du Sam Mangwana. Ah non, ça ne me plaît pas. Ah, oui, moi j'ai eu une personne qui m'a expliqué. Alors, je vais essayer de me ressouvenir de tout ça. C'était Dread Paul at the Control sur Radio Arc-en-Ciel. Il animait l'émission. Moi, j'étais encore un gamin. Et sur Radio Arc-en-Ciel, il faisait une émission qui s'appelait Sound System. Et c'était la musique africaine et reggae. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir Fela, il m'a fait découvrir Alpha Blondie, il m'a fait découvrir Marley, etc. Tous les grands groupes, les groupes africains et tout ça. Et ce gars-là, je me souviens, c'était un musicien, il montait sur une chaise, il me dit « Public chéri mon amour », il commençait à nous interpréter les trucs. Nous, on était aux anges. C'était quelqu'un qu'on adorait. Cette personne-là, il est reparti en Afrique, il a monté une radio là-bas, une chaîne de radio, je me souviens plus dans quel pays exactement. Mais moi, j'ai souvenir de cette personne-là qui m'avait appris, initié, parce que finalement, la musique, je l'aimais bien. Mais il m'a expliqué un peu les musiciens, de tel endroit, etc. C'était différent, franchement. Et j'écoutais avec beaucoup de plaisir cette émission Sound System sur Radio Arc-en-Ciel. C'était le dimanche après-midi, je crois. Et c'est il y a très longtemps, il y a 30 ans. Ouais. 30 ans, mais c'est resté, voilà. Bah, je vois comment s'appelle Paul Simon quand il a été faire son album, je crois que c'était au... Graceland. C'était au Nigeria, je crois. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Donc, il arrivait avec ses idées, sa façon de jouer américaine, quoi. Mmh. Top, top, top. Il a dit, les mecs, on joue. Il a commencé à jouer avec eux. Et au bout de 30 secondes, il s'est rendu compte qu'il était carrément à l'envers, qu'il faisait n'importe quoi. Il a dit, stop, on arrête tout. Maintenant, apprenez-moi comment vous faites. Il a bossé à leur façon. Il s'est mis à leur diapason. Et là, il s'est rendu compte que, bah, parfois, lui qui était sur un accord, eux, ils avaient déjà fait... un demi-ton, il était déjà reparti sur un autre machin et tout. Et donc, il était carrément à la ramasse. Et une fois qu'il a compris leur façon de jouer, il nous a fait l'album Graceland qui, pour moi, est un régal. Mais justement, les gens qui ont étudié la musique, ils doivent analyser. Voilà, un contre-temps, tu m'as parlé contre-temps, tu m'as parlé de demi-ton, etc. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de musiciens, c'est au feeling, ils le sentent. Ils n'ont pas besoin de l'expliquer, ils le sentent, ils le font, ils s'accompagnent les uns les autres. Et d'autres personnes, il faut leur transmettre par un langage qui est le solfège, etc., pour leur expliquer, parce que sinon, ils ne comprennent pas. Et voilà, il y a cette différence aussi entre les gens. Le dernier truc que j'ai appris, dans la musique arabe, ils ont le quart de ton. Ouais, ils ont beaucoup plus de nuances encore que... Mais je ne connaissais pas, moi, le quart de ton. C'est ça le problème, parce que moi, c'était un demi-ton, un ton, et on me dit, non, en musique arabe, ouais, un quart de ton. Effectivement. Ah ouais, et là, ça change tout, effectivement. Ça change tout. Donc, on en revient toujours à ce que l'on dit. Bon sang, le partage. Ouais, et on ne peut que s'enrichir. Je parlais tout à l'heure de musique sud-américaine et tout ça. Bon, les Indiens, quand on est arrivé là-bas, ils ne connaissaient pas les guitares. Hein. Les guitares, c'est les Européens qui leur ont apporté. Ils connaissaient les flûtes, les instruments avant et les percussions. Et c'est tout. Aujourd'hui, il faut voir, la guitare fait partie de leur culture. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils maîtrisent très bien. Mais justement, c'est parce que les Européens l'ont apporté. Qu'on écoute la salsa, on voit les origines de l'Afrique, on voit les origines européennes, on voit les origines américaines. Il y a tout ce mélange. Et ça ne fait que s'enrichir. C'est quelque chose encore plus fort. Et après, souvent, cette musique-là, elle revient. Cette musique-là qui est partie, par exemple, en Amérique, elle revient en Afrique, elle revient en Europe. Et elle est remélangée avec d'autres trucs. Et on arrive à avoir des nuances incroyables. Et c'est ça, la richesse. Moi, je crois que c'est ça. Il y en a un qui nous a malheureusement quittés, c'est Jacob de Varieux. Avec Cassave. Cassave, ouais. Cassav, je le mets au très haut niveau, rien à voir avec la compagnie créole et Ça, c'est bon pour faire une musique. Ils sont bien sympathiques, ils aime bien, voilà, tout ça. Kassav, c'est quand même c'est le grand groupe. Ouais. C'est autre chose. Parce que moi, je me suis rendu compte, en fouillant après dans mes vieux 33 tours africains, Jacob de Varieux a été travaillé en Afrique avec Pierre Moutoiri, par exemple, avec beaucoup d'artistes africains. Donc, il a pris un peu d'Afrique, il a pris un peu des Caraïbes, il a pris un peu d'Europe, il a pris un peu de tout ça, il a tout mélangé, il nous a fait Kassav. Et effectivement, quand on écoute bien Kassav, moi, ce que j'adore dans Kassav, c'est quand les trompettes, les vents arrivent, t'as du caribéen qui vient dedans, t'as vraiment tout, et ça sonne d'une force. Et ben voilà, c'est ça. On en revient toujours à ce que l'on disait. Je prends un peu à gauche, je prends un peu à droite, et je redistribue à tout le monde. Et c'est pour le bonheur de tout un chacun. Il y a encore du travail à faire, mais je crois qu'on y arrive. Il faut le temps aussi de vouloir découvrir, parce que des fois, on veut se limiter à une certaine chose. Moi, je dis souvent, quand je rentre dans un magasin de disques, étant donné que j'aime bien la musique moderne, bon, j'ai une musique moderne. Déjà, le classique, je le mets un peu de côté. Voilà. Non, mais bêtement, je crois que tout le monde est pareil. Oui, oui. Après, moi, j'aime bien le rock. Je vais voir le rock, et puis je vais revoir le truc. Et finalement, je suis passé à côté. Plein de choses. Et des fois, j'aime bien aussi me perdre et me dire, tiens, hop, j'arrive là. Je regarde un truc que j'ai pas du tout l'habitude, et là je découvre des nouvelles choses. Mais si je m'étais pas égaré, je les aurais jamais découvert. Je serais resté toujours dans mon rock, etc. Ce qui est un petit peu dommage, parce qu'il faut regarder un petit peu à côté. Il y a plein d'autres belles choses. Et je parle de la musique classique. Moi, j'adore ça. J'adore la musique classique. Il faut l'écouter autrement. Il y a des moments où on écoute du rock. Des fois, on a envie d'écouter du punk, du truc qu'on voit bien. Et d'autres fois, on a envie d'écouter de la musique très nuancée. La musique classique, c'est très nuancé. Et les musiques classiques, parce qu'on dit la musique classique, il n'y a pas de musique classique. Il y a toutes ces musiques qu'on a dit classiques. Le rock, moi, je l'ai connu, c'était une musique de rebelle. Aujourd'hui, on dit le rock classique. Oui. Rock classique. Oui, on apprend le rock classique. À l'époque, il n'y avait pas d'école de rock. On apprenait la musique classique. Et après, une fois qu'on savait un peu maîtriser l'instrument, on faisait ce qu'on voulait. C'était un petit peu la musique de Zoulou, quoi. C'était un peu plus vendable aussi, le rock classique, que le rock que l'on a connu. Oui. Alors, on a créé une catégorie. Bah, aujourd'hui, par exemple, quand on parle de Led Zeppelin, tout ça, c'est presque du rock classique. Si. Moi, j'ai des professeurs de musique. Ils enseignent ça à leurs élèves. C'est devenu un enseignement. Oui. Du rock classique. Alors que pour nous, à l'époque, c'était du rock révolutionnaire. Moi, j'ai écouté la première fois Led Zepp, Deep Purple, je me dis, ouh, c'est quoi ce truc-là? Ouh. Les ovnis. Et c'était nouveau. Aujourd'hui, c'est parti, c'est passé dans le classique, parce qu'on est habitué à l'écouter. Quel dommage. Alors que ces gens-là nous ont beaucoup apporté avec leur façon de voir la vie, leur façon de voir la musique. C'est génial, quoi. C'est génial. Effectivement, un peu tous ces thèmes-là, ben, je reviens toujours à dire, j'en ai pris un peu à gauche, j'en ai pris un peu à droite, et dans cet album, hop là, j'ai tout mis dedans. Voilà. Tout ce que je pouvais mettre, je l'ai mis. Et encore, je crois que j'ai pas fini. Parce qu'il te manque la musique arabo-andalouse que j'ai découvert aussi, quelques années, mais c'est pas pour dire, voilà. Mais c'est parce que de par mes origines espagnoles, de par les lieux de naissance de mon père, dans le sud de l'Espagne, donc colonisé 7 siècles. Ouais. Donc, cette musique, pareil, c'est ce que tu disais, Albino, c'est exactement ça. Quelquefois, j'ai envie d'écouter ça, parce que ça m'emmène, quoi. Ça me transporte, comme je peux très bien écouter aussi Laura McKennitt, une écossaise, qui a chanté à la Alhambra. C'est juste magique. Moi, j'ai les poils qui se dressent. Comme je peux écouter en Bretagne, là-bas, dans les Côtes d'Armor, dans une église ancienne, toute petite, une chapelle. Voilà, je crois que c'est l'émotion du moment, le contexte. Le contexte, je crois que c'est très important. Moi, par exemple, je vais écouter quelque chose dans un bus où je vais pas prendre le même plaisir, même si j'ai mon Walkman, j'écoute dans des Walkman, vous savez, j'explique pour les gens qui ne connaissent pas. Donc c'est les baladeurs. À l'époque, il y avait des cassettes. Aujourd'hui, c'est des MP3. On fait ça avec son téléphone la plupart du temps maintenant aujourd'hui. Donc avec des écouteurs, on peut écouter de la musique, sur une balade, un truc comme ça. Mais le contexte n'est pas forcément là. Par contre, si on se retrouve dans une vieille église avec l'acoustique particulière, les instruments qui sont là, on peut ressentir des choses. Les salles de concert, chaque salle de concert a son son. Et il y a des artistes que j'ai vus à un endroit, j'ai trouvé, c'était creux, c'était plat. Et puis je les ai revus à un autre endroit. Là, ils sont super bons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Simplement l'acoustique qui n'était pas bonne, le son qui était mal réglé peut-être à ce moment-là, je sais pas, il y a peut-être des choses, mais des fois on voit que c'est là, ça part pas, et puis d'autres fois on est dans l'émotion, hop, là on voyage. Mais parfois aussi ça vient de l'artiste qui n'y met pas du sien. Aussi, ouais. Il a beau faire de la bonne musique, j'en vois certains sur YouTube là, des virtuoses de la guitare, assez beau, enfin je dis c'est beau, on les voit tripoter leur guitare, mais il n'y a pas de vie quoi. Et à côté de ça, on prend un gars comme B.B. King qui avec deux accords, mon Dieu, ça monte tout de suite. Mais t'as écouté mon émission quoi, parce que ça c'est quelque chose que je dis assez souvent. Moi je dis, parce que moi je suis pas musicien, donc j'analyse pas. Moi le mec il me dit, voilà, je te joue 15 accords à la suite, voilà, je suis un virtuose de la guitare. Et, ouais, d'accord, tu l'as fait, t'as les doigts qui se tortillent dans tous les sens, bravo, mais bon j'ai pas senti grand chose. Par contre, tu me disais B.B. King, et c'est vrai que je le cite souvent en plus, parce que je sais, il a une émotion, il fait un truc avec quatre notes, oui. Il met une émotion dans chaque note, c'est, la guitare, la voix, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Ça suffit. Et après, il y a aussi des choses, par exemple, on voit par exemple j'avais entendu parler à propos de Nirvana aussi, leur manière de jouer, qui n'était pas vraiment des virtuoses de la musique, mais qu'ils mettaient une émotion, ils jouaient les mêmes notes, mais entre les quatre notes jouées au départ et les mêmes quatre notes jouées à la fin du morceau, ça n'avait plus rien à voir. Ils ne jouaient pas avec la même énergie, il n'y avait pas le même sustance, je ne sais plus comment on dit, il n'y avait pas le même truc. Donc, et pourtant, les quatre notes sont les mêmes. Hein. Oui, ils n'ont pas évolué. Hein. Mais ils les jouent. Voilà. Et c'est l'impact qu'ils mettent dans chaque note et la manière de jouer, l'émotion, quoi, tout simplement. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Ça dépend. C'est des souvenirs aussi, la musique. Moi, je sais que, par exemple, l'album des Pink Floyd à Wembley en 1992 ou 14, moi, il y a un morceau que je peux écouter, mais écouter 10 fois, c'est Comfortably Numb en live. Je sais pas pourquoi ça me dresse les poils. C'est un standard. Et puis c'est un solo de guitare qui emmène. Et puis il y a aussi les premières notes de Pompéi, l'album quand ils étaient à Pompéi dans les années 74-72, où il y a l'orgue Hammond et la guitare qui arrive tout doucement derrière et la batterie qui lance tout ça. Et ça, c'est des moments parce que je sais que c'est quand j'écoutais ça quand j'étais jeune. Alors ça me fait penser à toi quand tu me disais on n'avait pas des sous pour s'acheter tous les albums, donc on faisait exactement ce que tu faisais. Un copain qui achetait un album, enregistrait. Après on allait dans des nous on appelait ça un chalet, un vieux baraquement. Et puis il y avait un pick-up. Et puis on écoutait, on venait tous le jeudi après-midi avec le truc, et on écoutait qui Neil Young, qui Titanic, qui Martin Circus, mais qui Triangle. Et c'est marrant ce souvenir que tu disais, que tu évoquais, lire les pochettes de disques. Alors les pochettes. On lisait même les années en chiffres romains. Hein, on lisait bas. Tout. On lisait tout. Le producteur, merci à machin, truc, la balayeuse du coin, le vendeur de hot dog de New York. On savait tout. Ouais, des fois, il y avait des petites anecdotes comme ça où il y avait aussi des petits messages cachés. Il disait une chose en voulant dire une autre. Voilà. Les photos. Et on essayait de comprendre. Les photos de David Bowie. Quand il parle de musique, bon, j'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi. Sans ça, je quitte la salle tout de suite. Quand j'étais gamin, il y avait une chanson de Sheila. Ouais, un petit peu loin du micro. Sheila, c'est Il fait chaud. Il fait chaud. Bon, c'était les années 65, quelque chose comme ça. J'écoutais ça, c'était sympa et tout. Je suis arrivé en France, il y a, on va dire, 4-5 ans de cela. J'ai retrouvé ce 45 tours. Je l'ai mis sur ma chaîne Hi-Fi. Mais alors, le son de l'orgue Hammond, c'est quelque chose de formidable. Et en plus, ça m'a rappelé mes souvenirs de jeunesse, machin et tout. Il y a un son dans cet orgue Hammond qui fait que quand je l'écoute, bah, c'est toujours aussi fantastique, quoi. Donc, effectivement, dans la musique, tout dépend de l'intensité et de ce que l'on veut exprimer. Et on en revient toujours à l'autre qui fait 1000 accords en 30 secondes. C'est gentil, il n'y a pas de vie. J'ai posé la question parce qu'en plus, maintenant, je prends des cours de batterie. J'ai posé la question à mon professeur de batterie, je dis, mais ça sert à quoi d'avoir tout cet homme ? Il dit oui, ça donnera des sons supplémentaires. mais ce n'est pas en tapant dessus que tu vas vraiment faire émerger ce que tu ressens. Il vaut mieux avoir parfois 2-3 fûts et avec lesquels tu vas faire ressortir une émotion parce que tu seras donné le tempo qu'il faut, tu vas sortir la note qu'il faut. Là, les gens vont s'éclater, mais tu peux en avoir 200 et faire de la merde. Mmh, tout à fait. J'en suis pas encore là, je ne suis qu'un débutant à la batterie. J'ai encore du chemin à faire pour rattraper Stewart Copeland ou celui de John Bonham. Ouais, il y a des excellents Stewart Copeland, effectivement, c'est une référence parce que moi j'ai découvert Police quand il était sorti au début, Roxanne, etc., les premiers titres, Hotline Douce d'Amour, Reggae à tas de blanc. Et je me rendais pas du compte du travail, parce que moi je suis pas technicien, je connais pas, donc le guitariste, le bassiste, ouais, le batteur, le chanteur, et je me dis, mais le batteur, c'est pareil, il joue des contretemps, il revient, c'est un travail, mais on réécoute les cymbales, le travail du cymbale, les changer, la position dans l'espace, hein, l'enregistrement et tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, quand j'analyse, je me dis, oula. Mais comment il fait? Comment il a fait? Pourquoi il a fait ça? J'ai du mal à comprendre parce que c'est vraiment très recherché. Et pourtant, moi, au début, je l'écoutais simplement parce que j'aimais bien tout ça, mais sans m'en rendre compte de ça. Et après, une fois qu'on connaît le travail, on analyse plus et on se dit, mais vraiment, c'est génial, quoi. Et moi, j'ai vu beaucoup de groupes reprendre des morceaux de Police, etc. Mais ce petit côté-là, bah, ils ont beau essayer d'imiter, je crois que c'est unique. Moi, dans les batteurs, pour moi, le top du top, ça reste quand même Bonham. Celui de Led Zeppelin. Mais dans les groupes à trois, pour moi, le précurseur reste et restera Hendrix. Une guitare, une batterie, une basse, on a l'impression qu'ils étaient 200 sur scène. Quand Hendrix arrêtait de jouer, qu'il partait en solo, tu avais la batterie et la basse Michel. Qui remplissaient. Ouais, Mick Michel et. Comment c'est que je me souviens plus là. Les deux autres, ils remplissaient et on ne voyait jamais le vide. Et quand il a fini son solo, qu'il repartait en rythmique, ça passait tout seul. Mais là, on est déjà dans une autre dimension. C'est des virtuoses. Ah oui. Très bien. Alors, on papote beaucoup, mais la musique, il va peut-être falloir en passer un petit peu. Ce qu'on va faire, on va peut-être passer deux morceaux d'un coup. Voilà. On va passer un premier morceau qu'on a calé déjà sur la platine depuis quelques dizaines de minutes. Ça, c'est un de mes morceaux. Comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé des mamans. Là, je parle des papas et je leur rends aussi un grand hommage. Parce que c'est vrai qu'ils nous ont peut-être mis des baffes, ils nous ont peut-être botté les fesses. Mais bon sang, c'est ce que je me dis. Est-ce que j'aurais fait mieux à leur place? Donc. Et quand on est enfant, on dit, moi, je ne ferais pas ça. Et finalement, on dit, si je fais déjà aussi bien que mes parents, ce sera déjà pas mal. Oui. Finalement, on se rend compte beaucoup plus tard. On dit, si je réussis à transmettre à mes enfants ce que mes parents m'ont transmis, ça sera déjà pas mal, parce que finalement, on se rend compte vraiment de la valeur. Du travail des papas. Tout à fait. Ouais. C'est pas facile parce qu'ils ont toujours le rôle du méchant, de machin et tout. Mais dans mon cas, moi, ça m'a pris quelques années. Et je me suis dit, mais cet homme, il en a quand même chié avec toi. Quoi. Parce qu'en plus, j'étais pas le seul. J'avais trois frères. Donc, il fallait qu'il surveille les quatre démons. Quand il y en a un qui faisait une connerie, les trois autres, ils suivaient derrière. Ah oui, ça, j'imagine. Voilà. Et un jour, je lui pose la question et je dis, mais papa, comment t'as fait? Il m'a simplement répondu, vous êtes mes enfants. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, mon père, allez, on va le dire, c'est un dieu, c'est mon dieu à moi. Et je profite donc de cet album pour lui rendre hommage et à travers lui, rendre hommage aussi à tous les papas. Et ça me, une anecdote comme ça, vite fait, avant de passer au morceau. À l'époque où j'étais encore en activité donc chez Keolis, c'est un monsieur, je crois. Est-ce qu'il était algérien, marocain? Je ne m'en souviens pas. À l'époque, on payait un franc. Il me donne 10 francs. Et quand je vais lui rendre la monnaie, il me dit simplement, non, mon fils, garde. Et bien ça m'est resté en tête parce que c'est un homme âgé. Il m'a considéré comme son fils. Ben, j'ai passé une très bonne journée. Donc c'est pour ça, c'était un hommage à tous ces papas que je voulais faire dans cet album. Et ce qu'on veut, c'est être qu'ils soient fiers de nous. Oui. C'est et parti. Nous, fiers d'eux. Fiers de toi. Vouloir craquer une allumette, à chaque fois réponse négative. Mauvaise posture devant mon assiette, plus qu'une mauvaise initiative. m'empêchant de tourner en rond. Tu avais souvent un œil sur moi, et moi tout jeune à Liboron, je ne voyais point ton émoi. Quand j'étais un fanfaron, tes paroles m'ont rendu droit. Là je fus tout puissant, persuadé d'être meilleur que toi. Jeune et brave âge adolescent, des flèches dans mon petit carquois. Ton franc parler ta dignité, ton valu un exil forcé. Pourtant bien que tu fusses blessé, nous étions ta priorité. Quand j'étais un fanfaron, tes paroles m'ont rendu droit.

respirait un air dépollué. Nous avions enfin compris l'enjeu de préserver notre planète, faisant fi de la finance. On peut servir la mémoire à ma vraie réalité. Finalement n'est pas si moche que ça, mais avec du bon sens et de la volonté, elle pourra nous donner tout ce que nous lui prenons, c'est sûr. Cerveau, ramène-moi à ma seule réalité. Quand même laissé jusqu'aux dernières notes pour avoir la finale quand même. Ah ouais. Voilà, donc on a écouté trois morceaux, parce que on parle beaucoup, on s'est dit tiens, on va envoyer quand même pas mal de musique à la suite. On a écouté deux morceaux de toi et un morceau de Dook. Alors le premier morceau c'était Jimo avec Fier de toi. Le deuxième c'était Au soleil, donc ce petit rythme un peu bossa nova comme tu as dit. Moi j'ai trouvé aussi tout je connaissais pas, mais franchement j'étais surpris, c'est agréablement surpris. Super agréable. En plus, ils nous ont envoyé un petit peu de soleil, ça s'appelle Au soleil. Donc c'était le groupe Dook que j'ai reçu ça doit faire exactement 2 ans. Ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ensuite, ils étaient prévus pour le Maverick Live numéro 12 qui a été annulé. Et depuis, voilà, on s'est plus revus. Et puis, donc, je les ai réinvités à revenir dans l'émission Maverick. Sincèrement, je leur souhaite bonne chance. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça me change un peu. C'est un rythme un peu bossa nova. Ouais. J'ai trouvé ça super sympa. La bossa, c'est pareil. C'est une musique métissée qui vient du Brésil, qui a été inventée aussi par, soi-disant, un Français. Puisque c'est Henri Salvador qui aurait été à l'origine de ce rythme-là. Donc, possible. Alors, tu vois, comme quoi, finalement, la bossa nova, aujourd'hui, c'est brésilien. Ouais. Et il y a aussi cette version qui dit que, Henri Salvador serait un petit peu à l'origine de cette musique-là. Henri Salvador, quel musicien. Quel musicien. Et quel homme aussi qui, plein d'humour. Ça franchement, Salvador, c'était, comment ça s'appelle, Zorro est arrivé, et tous ces machins. Jusqu'au jour où je l'ai vu dans une émission prendre une guitare. Et là, je dis, mais c'est plus du tout le même bonhomme, quoi. Il a commencé à faire des accords. Ben oui, c'est un ancien guitariste de jazz. Mm-hmm. Et là, franchement, quand je l'ai vu, comment il tripotait sa guitare, celui qui en parle le mieux, c'est Woolsey, je crois, qui a été invité par Salvador. Woolsey, qui est aussi un grand guitariste, il faut quand même le dire. Donc, ils ont joué à peu près pendant une demi-heure. Et au bout d'un moment, il y a Salvador qui dit, bon, maintenant qu'on s'est échauffé, on va jouer. L'autre qui fait, mais non. On jouait pas là. Il dit non. Non, c'était juste les chansons. Il dit, mais quand il a vu Henri Salvador partir à la guitare, il y a lui, et puis un autre qu'on oublie souvent, Sacha Distel. Aussi, oui, qui était un grand guitariste. Voilà. À qui, malheureusement, on faisait chanter des chansons à l'eau de rose, alors que finalement. Bah oui, il y avait aussi, le fonds de commerce. Hein, oui. C'est ce qu'ils rapportaient, donc ouais. On leur faisait chanter telle chose. Mais eux, ils avaient débuté d'une autre manière, ils venaient d'un autre style musical. Entre la personne qu'on voyait dans les petites vidéos ou alors à la télévision et ce qu'ils étaient aussi, ce qu'ils faisaient aussi sur scène, c'était des fois un petit peu différent. Ah oui. Mais ça, c'était vraiment. Mais en parlant de guitariste, justement, j'ai failli oublier parce que sur le morceau Fier de toi, on entend la guitare solo. Oui. Eh ben, c'est mon ami Alain Je l'ai un peu poussé en disant, sur ce morceau, il faut que tu fasses quelque chose. D'accord. Donc, je lui ai filé le morceau, il a écouté, et c'est lui qui m'a placé sa guitare solo dessus. Sur, je crois, il a travaillé sur 2-3 morceaux avec moi. D'accord. Parce que, voilà, pour moi, c'est un ami, et en plus, il a commencé à la guitare, je vais pas dire avec un doigt, tout comme. Et aujourd'hui, quand je vois le travail énorme qu'il a fait à la guitare, oh oui, je lui ai fait confiance, je lui ai dit, allez, vas-y, pond-moi un solo. Et c'est ce qu'il a fait. Et je trouve ça super sympa et je trouve qu'il a fait du beau boulot. Bah, super, en tout cas. D'ailleurs, on va parler un petit peu de l'enregistrement. Comment ça s'est passé? Toi, tu as écrit les paroles, tu as écrit la musique. Oui. Tu l'as interprété. Oui. Mais tu t'es fait aider aussi. Par personne. Personne? C'est toi qui joues tous les instruments. À part cette fois-ci, là où tu as assisté justement le voilà. Guitariste. Mais sinon, c'est toi qui as tout fait. C'est moi qui ai tout fait, écriture, comment ça s'appelle, de la musique et des paroles, tout par moi. Parce qu'au départ, c'est ce que je disais, je voulais que ce soit fait par le groupe. Mm-hmm. Et comme c'était pas... Bon, c'est vrai que je les sortais un peu de leur confort musical, parce que quand tu écouteras le glas, c'est un peu, comment ça s'appelle, Fela. C'est vraiment musique africaine, voilà, mm-hmm. 3 temps, et voilà. Ils ont pas accroché. Mais j'ai quand même réussi à accrocher Alain sur ces 3 morceaux en disant « ça, tu me fais le solo ». Et puis après le reste, ben, je me suis débrouillé tout seul dans mon coin. Quoi. D'accord. Et tu as enregistré ça comment, à quel endroit? À la maison. À la maison seul, tu fais tout chez toi? Bah, je l'ai fait par ordinateur. D'accord. Oui, c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette facilité. Voilà. On peut avoir un petit studio à la maison qui ne coûte pas énormément cher et on a un son super excellent, etc. C'est ce qui s'est passé avec mon petit studio à la maison. J'ai bricolé ça dans mon coin. Les solos, c'est pas tout à fait mon style, mais j'ai quand même essayé d'en faire quelques-uns. Et quand c'est un peu, je voulais quelque chose d'un peu plus chaleureux, j'ai demandé à Alain en disant, bah, toi, tu fais ça à la maison, tu me graves tout ça sur une clé USB. Et je reprenais ça et j'incluais dans mon morceau. Histoire d'avoir quelque chose de plus chaleureux, quoi. Mmh. Justement, on parlait des modes d'enregistrement. Moi ça me revient un petit peu. Là, tu parles justement, tu as tout fait à la maison et il y a eu des enregistrements qui ont été faits ailleurs, qui ont été après mixés. La voix. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Par exemple, moi, je me souviens avant les premières radios, les premiers enregistrements, il y avait un micro, tout le monde jouait autour. Hein. Oui. Voilà, c'était comme ça que ça se faisait. Hein. Ouais. Faut le savoir. Il y a des grands standards, des grands morceaux qui ont été enregistrés. C'est dans ces conditions-là. En one shot. Ensuite, oui, c'est-à-dire c'était en live et puis avec souvent un seul micro. Oui, oui. Après, ils ont commencé à mettre plusieurs pistes, enregistrer les pistes indépendamment. Bon, ça s'est développé, etc. Et après, il y a eu les premiers, justement, les premiers morceaux qui ont été enregistrés avec des musiciens qui ne s'étaient jamais rencontrés. Avant, ça n'existait pas. On était obligés de se rencontrer pour pouvoir jouer ensemble. Ouais. Et là, petit à petit, avec la technologie, c'était dans les années 70, 75, les premières fois qu'on entendait parler, tiens, le guitariste, il est à Londres, il a joué pour le musicien jamaïcain. C'était les Rastaman qui avaient commencé à faire ça, le reggae. On enregistrait des batteurs qui étaient à Londres avec des gens qui étaient à Jamaïque, d'autres qui étaient en Afrique. Et voilà, on arrive à faire des machins. J'ai dit, mais c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement habituel, quoi. C'est banal. C'est banal. C'est banal. C'est marrant, hein, comme ça évolue et qu'on change de manière de penser. C'est pour ça que cet album, je ne vais pas dire que j'ai voulu le faire à l'ancienne, parce que quand j'étais enregistré ma voix, l'ingénieur son qui était là, il a dit, mais on peut refaire. Je dis, non. One shot. Si c'est bon, c'est bon. S'il y a des couacs, eh ben, on verra en disant, oui, il a fait ça comme s'il était chez lui, qui chantait en sortant de sa baignoire. C'est quelque chose de naturel. Je ne voulais pas qu'on dise, bah, tiens, là, il a un peu mal chanté. Hop, on va remonter un peu la voix électroniquement. Non, je veux du naturel. Donc, c'est ce qui s'est passé. L'émotion du moment. L'émotion du moment. Où je suis bon, où ben, j'ai fait des couacs, et ben les couacs, on les verra en disant oui, mais d'où le titre donc de l'album, c'est moi. Il y a des albums qui ont été enregistrés en live comme ça ou dans session acoustique où il y a des fausses notes et finalement moi je sais que il y en a certains comme ça et ils me reviennent des trucs qui ont été enregistrés chez MTV à l'époque où les vrais musiciens allaient jouer en direct et il y avait des petits pains comme ça, il y avait des notes on l'a rattrapé. Et le problème, c'est que quoi, le problème, c'est pas un problème, puisque finalement, ça a été la spontanéité, ça a été fait sur ce moment-là et tout ça. Et à force d'écouter ce morceau-là avec ce petit pain, on s'y est habitué et ça nous semble normal. Et à la limite, si on va le réinterpréter aujourd'hui, il faut qu'on se plante, parce que sinon, ça sonne plus comme l'original. Voilà. Et les spécialistes, c'était quand même les Rolling Stones qui font, enfin, même jusqu'aujourd'hui, ils font encore des pains. Ouais. Sur scène, c'est voilà. Oui, bah, celui qui joue pas, il n'en fait pas, c'est sûr. Ouais. Mais non, mais les Stones, c'était vraiment une catastrophe. C'était catastrophique. Mais c'est vrai que ça donne du charme aussi à la musique. Et puis, en parlant de ça, c'est vrai que il m'est revenu en tête, comme tu disais tout à l'heure, les premiers enregistrements que j'ai écoutés, moi. Donc, quand c'était les musiciens africains qui faisaient ça, c'était one shot. Hein. Mmh. Vous êtes tous prêts? 1, 2, 3. Et parfois, on entendait les pas. Mmh. Mais une fois que c'était parti, c'est parti, c'est fini, allez, on presse et on vend tel quel. Mmh. Et j'ai voulu garder donc ce côté original en disant, je l'ai fait comme ça, ben, vous allez m'accepter tel que je suis. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de tromperie, c'est du jumeau tout craché, on y va. Mmh. Ça me rappelle aussi, je ne me souviens plus quel musicien, c'était un musicien américain, ils avaient fait un morceau, je me souviens plus du morceau non plus. Je sais pas si c'était pas Fat Domino qui avait enregistré. Hein. Bon, donc ça date. Hein. Oui. Et à l'époque, quand on voulait enregistrer un morceau, le problème c'est que tout le monde n'avait pas des magnétophones, tout le monde n'avait pas des. Voilà, c'était quelque chose de rare. Hein, donc c'était les studios qui avaient ça. Sinon, hein. Et justement, il y avait parmi les membres du groupe, il y avait quelqu'un qui travaillait à son travail, il y avait un magnétophone. Donc ils se sont dit, tiens, le week-end, on va se pointer là-haut, et puis on va discrètement, sans rien dire au patron ni quoi que ce soit, et puis on va servir du magnétophone pour enregistrer notre morceau. Mm-hmm. Donc on va aller là-haut, hop, j'ai la clé, on rentre dedans, on fait pas trop de bruit, parce qu'il y a des gardiens et tout ça, donc il faut pas... Et puis on monte là-bas, on enregistre le morceau. Donc c'était parti pour enregistrer le morceau, et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils enregistraient, ils écoutaient la bande, il y avait... un sifflement. Je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi? Il vient d'où ce sifflement? Ils se sont rendus compte que finalement, le morceau, quand ils enregistraient, ils n'entendaient pas ce sifflement, mais le sifflement venait de l'ascenseur. Donc, dès que quelqu'un se servait de l'ascenseur, il y avait un sifflement, ils disent, mais c'est pas possible ça. Donc, ils se sont dit, bon, ce qu'on va faire, on va bloquer l'ascenseur pendant qu'on va interpréter le morceau. Et du coup, le morceau, comme ça, il n'y avait pas le sifflement, ils l'ont enregistré. Mais le problème, c'est que s'ils bloquaient l'ascenseur plus de 2 minutes, il y avait une alarme qui se mettait en route. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on interprète le morceau dans le temps. Donc, ils ont accéléré le rythme. Et justement, cette musique-là avait son... le gros truc de cette chanson-là, c'est que comme il avait accéléré, il avait un rythme endiablé. Oui. Finalement, c'est ce qui a fait le succès de cette chanson-là. Ouais. Comme quoi, juste avant, ils n'avaient pas pensé. Et c'est ce qui a fait le charme. C'est quelque chose d'imprévu, complètement imprévu. Et voilà, à cause de cet ascenseur et cette alarme qui pouvait se mettre en route, ils ont fait le morceau qui durait 3 minutes. Ils l'ont fait en 2 minutes. Donc, forcément, ils ont accéléré. Et c'est resté. C'est dans l'anthologie. Je ne me souviens plus exactement du titre. Je ne me souviens plus. Si les auditeurs s'en souviennent et qu'ils sont au courant, ils peuvent me le dire. Et j'aimerais bien le citer parce que, franchement, c'est une page de l'histoire. C'est une page de l'histoire. C'est vrai que quand on parle musique, il y a toujours des petits trucs. Enfin, moi, il y a un souvenir qui me reste en tête, qui m'a fait mourir de rire. Ben, c'était en répétition avec les collègues. On était sur un morceau, je crois que ça faisait peut-être la 2e ou 3e fois qu'on le répétait. Et puis, ben, ça commençait à me saouler un peu. Et puis, ben, la 4e fois, tous, ils étaient bons. Et c'était à moi de chanter. Donc, je vais pour chanter. Et là, le trou noir... Et cette bande de salopards, au lieu de me dire « Non, il faut commencer par tel », ils me regardaient tous en train de galérer, ils jouaient leurs morceaux. Donc forcément, coup de colère. Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments? Je les ai tous insultés. Voilà. Et on est parti d'un éclat de rire. Voilà. Et c'est vrai que ce sont ces petits moments parfois qui font qu'un morceau peut devenir extraordinaire ou sonner plat. Moi, j'ai le souvenir d'une interprétation personnelle que nous avons fait en juin 1990 de I Can Get No Satisfaction, qui est certainement l'interprétation la plus longue qui a été faite sur la planète. Je pense. Qui n'a jamais été enregistré. Quel dommage. Donc nous avions un guitariste, un batteur. Moi j'étais au Congas. Oui, quelque chose dans ce style-là. Il y avait une autre guitare qui traînait quelque part. Ouais. Il y avait deux choristes. Oui, on avait la troupe. C'est carrément le. Attention, nous étions dans un véritable, en plus dans un véritable endroit pour jouer de la musique. De la musique. C'est pas un studio, mais presque. Ouais. Chez un ami, et ça a duré. Je crois que les 2 heures n'étaient pas loin. Faut dire que le repas était bon, il était copieux et bien arrosé quand même ce repas. D'accord. Il y a aucun enregistrement. Ça restera dans nos mémoires, comme quoi la musique. Alors je dis ça sur un ton de la plaisanterie, mais je jouais rien du tout, moi j'accompagnais. Mais ça a été un moment de partage encore. Quand je dis 2 heures, j'exagère évidemment, mais on s'est bien amusé parce que de rien, on a quand même réussi à faire quelque chose qui tenait à peu près la route sans trop de fausses notes, sans trop. Parce qu'il y avait quand même 2 musiciens qui étaient là, hein, Michel le batteur et puis toi. Et donc on a passé un moment de plaisir partagé, improvisé totalement. Et c'était une interprétation très personnelle d'I Can Get No, mais avec le rythme. Avec des paroles qui étaient complètement. C'est ce qui fait aussi un peu l'essence même de la musique, quoi. C'est rapprocher les peuples. Ouais, ouais. Je prends un accord et je peux le faire durer pendant 3 heures, mais si tout le monde est en accord avec moi, chacun va apporter son petit truc, et effectivement, on va embellir cette musique-là, qui ne comporte toujours qu'un seul accord. Un seul accord, mais après, le rythme, tout ça, ça fait l'ambiance que l'on met autour, et ça passe tout seul, quoi. Oui, puis on se prend au jeu. Moi, je me rappelle m'être pris au jeu, c'est-à-dire n'y connaissant absolument rien. Oui. Je me rappelle encore, c'est vraiment gravé là. Je me rappelle que toi tu donnais toujours, t'as toujours donné des conseils sur etc. Comment il fallait jouer, comment il fallait accompagner la musique avec des paroles et puis voilà. Était une bande de copains, voilà, il fallait s'éclater et puis. J'ai envie de te faire écouter quelque chose et tu vas me dire si ça te rappelle quelque chose ou voilà, c'est une petite surprise, hein, c'était pas prévu. J'adore les surprises. Mais on va écouter et puis tu vas nous en parler juste après. Thank you. donc ça s'arrête un peu. Voilà, c'était quelque chose qui était pas prévu, hein. Celui qui t'a envoyé ça, il a envoyé une des plus mauvaises versions que l'on ait pu faire. On a fait mieux que ça, quand même. Si tu veux, savais que mon groupe Largus, hein. Ouais, effectivement. Donc, voilà, c'est une surprise. Alors, avec la complicité d'une certaine personne, une personne que je connais. Mais que je connais aussi. Que tu connais aussi. Oui. Voilà, on peut le citer, c'est Michel. Oui, c'est Michel. Mais bon, moi, j'aurais pas envoyé ça. Si vraiment il voulait nous faire plaisir, il aurait pu envoyer quelque chose de plus propre, parce que là, franchement, c'est sympa, c'est voilà, gentil, mais... C'est une vidéo, hein. C'est un truc qui a été pris sur une vidéo. Il m'a envoyé la vidéo. Et je dis, écoute, on va lui faire une surprise, tu lui dis rien. Et quand il sera là, on va pas envoyer le morceau comme si c'était, un morceau comme ça que j'allais lui faire découvrir et voir s'il se reconnaît. Bon, tu t'es reconnu. Ah oui. Et donc, c'était, Largus. Largus. Le groupe dans lequel je joue. Alors, petite annonce quand même. Nous cherchons un batteur, puisque celui-là, il vient malheureusement de partir avec un autre groupe. Mmh. Et s'il y a un batteur qui bosse chez Keolis et qui veut venir avec nous, la place est vacante. D'accord. Bon, voilà. Donc le message est lancé. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui va répondre. Parce que sans batteur, oui. C'est quand même compliqué. Oh ben. Et il faut savoir que les batteurs et les bassistes, les batteurs et les bassistes, c'est ce qui est le plus dur à trouver. Oui. Les guitaristes, il y en a beaucoup. En son absence, je me mets à la batterie, mais j'ai pas le niveau, quoi. Je sais taper sur une batterie, je ne sais pas jouer de la batterie. Ouais, il y a juste le strict minimum qui permet quand même de jouer, mais voilà. d'envoyer un tempo et tout ça. Mais bon, un batteur, après, c'est un métier. C'est beaucoup plus. Nous on cherche quand même un batteur qui sache marquer le rythme, tenir le rythme. Et comme cela nous a quittés, eh ben, l'annonce est passée, on cherche un batteur. Très bien, donc l'annonce est passée. Vous cherchez un batteur, le groupe Largus. Largus cherche un batteur. Il faudra peut-être venir un jour avec Largus, vous êtes combien dans le groupe? Alors, Alain, Eric, Franck... Vous êtes un... Oh là là, bah, quatre. Quatre. Donc il nous manque un batteur. Ah, il manque le batteur, voilà. Non, mais ça serait bien aussi de venir. Vous avez des enregistrements, des choses comme ça aussi, non? Oui, il y en a quelques-uns, ouais. Ah, voilà. Pourquoi pas, dans quelques temps, revenir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter ce groupe-là. Eh ben, moi, j'aime bien. Je m'intéresse à tous les groupes de la région, quoi. Et dès qu'on va trouver un batteur qui pourra nous aider pendant un moment, eh ben, je te fais signe, puis on arrive. D'accord, très bien. Tout à l'heure aussi, il y avait aussi Manu Lorca. C'est un artiste que j'ai reçu ici dans les studios qui fait des concerts. Heureusement, et d'habitude on fait l'agenda de Mavrica dans lequel on dit tous les concerts. Mais actuellement, il y en a tellement peu que finalement on a mis un peu ça de côté. Mm-hmm. Mais là, je tiens quand même à lire ce qu'il m'a envoyé puisqu'il nous écoute et puis il nous a envoyé un petit message pendant l'émission. Alors Manu Lorca, il est en concert. Il fait deux petits shows en solo au Resto Olivier à la Ferté-Saint-Aubin le 21 et le 22. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir Manu Lorca, c'est un gars qui chante super bien. Moi, j'adore ce qu'il fait. Il a une voix, une très belle voix. Il chante un peu comme les chanteurs. Moi j'aime bien, avec beaucoup d'orchestration, un peu comme la belle époque de Johnny Hallyday, oui. de Sardou. C'est à cette époque-là, dans les années 70-75, les orchestrations, ça me rappelle un peu ça. Ah. Et je crois que c'est voulu. Hein. De toute façon, il me l'avait un petit peu expliqué. Et donc, c'est un chanteur qui a vraiment une belle voix et qui chante en français en plus. Donc, allez le voir si vous le connaissez pas. Aujourd'hui, j'avais pas prévu, j'ai pas de morceau de lui, mais la semaine prochaine, on en passera un petit, comme ça, ça rappellera un petit peu aux gens sa musique. Tu sais, tu me parles de Johnny. Ouais, Johnny. C'était quand même ma vedette dans les années 60, quoi. Bon, même si après, je l'ai un peu mis de côté, mais mon rêve, c'était un jour de voir cet homme sur scène. Ben, quand je l'ai vu, ah ouais, mais c'est quelque chose quand même. Ah, c'est grandiose, hein. Johnny Hallyday, c'est parce que Johnny Hallyday, c'est l'homme, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est la voix. La voix, c'est un interprète, c'est un superbe interprète. Et après, autour, il s'entoure quand même de sacrés musiciens. Oui. Hein. Mais moi, c'est la bête de scène qui m'a épaté. Et en plus, quand il nous a fait une séance unplug. Mm-hmm. Et là, j'ai pris un coup dans la tronche parce que quand monsieur ouvre la voix à Orléans, j'ai l'impression qu'à Marseille, on l'entend. Ah, il a une puissance. C'est phénoménal, quoi. J'ai une idée. Ah oui, j'en connais pas beaucoup qui aient cette puissance de voix. Et malgré l'âge avancé qu'il avait quand même, hein, c'est vrai que j'ai dit, bon, chapeau bas, monsieur. Vous êtes parmi les grands. Et il y en a certains comme ça, qui te font un petit quelque chose, bah, sans compter comment ça s'appelle, Joe Cocker. Joe Cocker, ouais. Mmh. On avait été boire ensemble. Ah, lui, c'est bon. On le voit même dans ses gestes. Quand il chante, il est dedans. Son corps est dedans. Il transpire la musique. Ah oui, transpire. Il est à fond dedans. Ah ouais, Joe Cocker. Et c'est vrai que ça nous change un peu de... Allez, je me lance. Star Academy et compagnie. On va dire que je fais de la critique facile. Ouais, mais pour moi, c'est mignon, c'est gentil. Mais quand on voit ces grandes pointures et on fait la comparaison, on nous dit que à Star Academy, nous sortent des super chanteurs. Mmh. Bon. Bah, y a Star Academy et d'autres émissions comme ça. Bon, y a aussi plusieurs styles différents. Et puis, y a aussi parmi les gens que j'ai reçus, plusieurs personnes qui ont participé à ce genre de choses-là. Et puis, bon, ils ont dénoncé aussi certaines choses. Hein, c'est-à-dire que, bon, c'est un petit peu, disons-le, truqué. Ah non, ça se dit pas, ça. Ça se dit pas. Voilà. On n'en parle pas. Voilà, on sait même avant de commencer qui c'est qui risque Voilà. Et après, il y a une question de contrat, il y a des gens qui vont là-bas, mais ils ont déjà des contrats avec d'autres, donc ils sont pas intéressants, donc ils n'iront pas au bout. De toute façon, même s'ils chantent mieux. Et voilà, il y a des choses comme ça, c'est donc. Et puis, je suis sûr que parfois, dans la rue, ou au coin de la rue, quelque part, il y a des gens qui ont des plus belles voix que ce qu'on nous propose. Et après, c'est pareil, là-haut, ils ont les moyens. Hein. Ils ont quand même, ils mettent en valeur vraiment les artistes, hein. Les lumières, les maquillages, tout ça. On met en valeur les gens. Et des fois, il y a des gens qui, sans tous ces artifices, nous permettent d'avoir beaucoup d'émotions aussi. Mais bon, après, bon, on peut critiquer, voilà. Mais en attendant, bah, des grands artistes comme ça, ils sont pas sortis de ce genre d'émission. Non. Mais bon. Joe Cocker, il n'a pas fait Star Academy. Ah bon? Je vais te l'apprendre, ça fait plaisir, ça. Très bien. Bon, bah voilà, ça te dit ce que tu pensais là-dessus. On va pas aller plus loin parce que si je commence. Il y a une chanson, on avait parlé tout à l'heure de la Jarry, qui s'appelle Je danse pas avec les stars. Je sais pas si tu te souviens aussi. Tu la connais cette chanson-là? Oui. Voilà, il critique aussi le fait que bon, on danse avec les stars, c'est l'émission. Et dit moi je le danse pas, c'est-à-dire qu'il joue pas ce genre de truc-là. La Jarry, c'est des vrais musiciens, c'est de vrais troubadours qui vont de salle en salle, qui traversent l'Atlantique régulièrement. Ce sont des professionnels et moi je les ai vus sur scène à chaque fois. Moi je les ai vus, peut-être une demi-dizaine de fois, 5, 6, 7, je sais plus. Mais à chaque fois, c'est un coup de massue. À chaque fois, il m'impressionne. À chaque fois, c'est... Parce qu'ils mettent toute leur âme dedans. Ah ouais, effectivement. Ouais, ouais. Donc, la Jarry, bah, s'ils nous écoutent, ils nous écoutent assez régulièrement. En plus, David et Benoît, on leur fait un petit salut. Et puis, je sais qu'ils apprécient beaucoup mon émission. Ouais. Et d'ailleurs, ils sont invités tous les ans régulièrement. Ils viennent. Et là, ça s'est pas fait avec le Covid, mais... Il y a un album qui sort au mois de mars, hein, je crois. Donc, je vais les inviter. Et s'ils sont dispo, même si c'est un peu avant ou un peu après, ça serait bien qu'ils viennent. Et s'ils nous écoutent, je suis désolé, j'ai pas pu aller avant la Covid et puis même pendant les déconfinements, y passer dans la région. Oui. Et ben, il m'a sur Instagram et il me demande toujours de venir faire quelques photos. Bah oui. Avec plaisir, mais j'ai jamais été dispo. Après, c'était pas évident. Promis, Benoît, dès que vous repassez dans le coin, je serai là. Très bien. Effectivement, il y a eu un concert à Olivet la dernière fois et moi je suis resté à la porte parce que j'avais pas mon deuxième vaccin. J'avais le premier, j'avais pas le deuxième, j'avais pas le pass, je suis resté dehors. Donc, mais bon, c'est un petit peu dommage. Vivement la fin du Covid quand même. Vivement la fin du Covid, hein, parce que on s'écoutera un petit la Jarry tout à l'heure. Tiens. On va s'en envoyer ça nous fera toujours plaisir. On écoute encore un peu de musique, parce que là, j'ai arrêté de caler les morceaux, donc j'ai même pas de morceaux calés de toi. Mais quel morceau on écoute après? Je les ai même pas en tête, c'est pour te dire à quel point. Ah bah, je vais te souffler un petit peu dans ce cas-là. S'il te plaît. Voilà, il faut que je me retrouve un petit peu. Mets tes lunettes. Ouais, c'est vrai que je commence à plus rien voir. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste The Meter People. Ah, alors ça c'est pas moi. C'est pas toi, oui. C'est un groupe de funk des années à peu près. Ah oui, mais franchement, à tout point de vue, je le trouve sensationnel. Je voulais le faire. Il y en a peut-être certains qui le connaissent, mais je voulais les réécouter comme ça pour le plaisir, parce que la musique, elle est franchement d'enfer. Que ce soit la batterie qui joue un peu dans tous les sens, le chanteur qui part. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on appelle de la belle funk. Si vraiment on peut passer ce morceau, c'est... Ah bah, on va le passer juste après. Alors. Ah ouais, ah ouais. Et là, j'ai un morceau sous la main, c'est impossible. Tu veux qu'on tiens, pourquoi pas. Parce on écoute celui-là. Sur ce morceau, t'as aussi Alain qui fait la guitare solo. D'accord. J'ai réussi à le convaincre. Il est parti. D'accord. Donc, on écoute impossible. Alors là, c'est en deux mots. Impôt, oui. Les impôts, oui. Et cible. Oui. D'accord, et ça fait un jeu de mots impossible. Bah quoi, on peut bien s'éclater de temps en temps quand même, non? Non, si tu veux, c'est un délire qui m'a pris comme ça, je crois que c'était le soir, et puis j'étais en train de calculer ce que j'allais donner aux impôts, machin, puis je me suis rendu compte que finalement... C'est eux qui devaient de l'argent. ça aurait été trop beau. Ouais. Et je me suis dit, mais à chaque fois, c'est comme si je devenais une cible et les impôts me prennent toujours... Ah, ils nous oublient pas, hein. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, j'ai fait le rapprochement, cible, impôt, impossible. Bah, c'est un vilain jeu de mots, mais enfin, je suis parti dessus. Et puis après, j'ai commencé à délirer tout seul dans mon coin, puis ça donnait ça. On écoute tout de suite. Impossible. J-mot. Sur mon trajet, impossible tous mes revenus, impossible tous mes plans, impossible tous mes loisirs, impossible mon devenir. J'ai sué pour cette petite maison. Une voiture et ma femme aura son bison. Une fois posé ma signature, impossible tous mes revenus, impossible tous mes plans, impossible tous mes loisirs, impossible mon devenir. La vie. sera-t-il thank you. Salut à tous, on est La Jarrie. Et tu sais quoi, si on s'en faisait une petite pour Albino? On écoute notre nouveau single sur Arc-en-Ciel. On n'a pas le choix dans Mavrika. On n'a pas le choix. Allez Mavrika. On n'a pas le choix. Salut à tous, on est La Jarrie. Et tu sais quoi, si on s'en faisait une petite pour Albino? On écoute notre nouveau single sur Arc-en-Ciel. On n'a pas le choix dans Mavrika. On n'a pas le choix. Allez Mavrika. On n'a pas le choix. Être à découvert, on n'a pas le choix. Payer l'essence trop chère, on n'a pas le choix. Et rester solidaire, se lever trop tôt, on n'a pas le choix. Pour aller au boulot, on n'a pas le choix. Se dire que tout va bien, on n'a pas le choix. Et prendre la vie comme elle vient, on n'a pas le choix. C'est un petit peu rattrapé parce que depuis tout à l'heure on papote beaucoup, on aime bien discuter, on a tellement de choses à se dire en plus. On a écouté donc plusieurs morceaux enchaînés. Alors j'essaie de revoir, voilà, je me retrouve sur l'ordinateur. Donc on a écouté trois morceaux, donc Jimo, notre invité de cette émission numéro 493. On s'approche de la 500e quand même. 11 ans de Radio Arc-en-Ciel avec l'émission Mavrika. Donc c'était Impossible. Juste après c'était The Meters. C'est comme ça que ça se prononce. Hein. Meters. Meters, ouais, voilà. People Say. Donc ça c'est un morceau de quelle époque ça? Oh, je dirais les années 75. Ah ouais ouais, parce que là c'est, ça sent encore la soul. Ah oui. Ça me rappelle beaucoup de comment il s'appelle Marvin Gaye, Machéo Parker. Ouais, mais je pensais à je me souviens plus de son nom. Voilà, c'est m'est sorti. Et pourtant je l'ai dit dans ma tête plusieurs fois. La vieillesse. Oui, c'est ça, c'est oui. Alzheimer qui commence, hein. ça commence. Non, c'est le grand là, comment il s'appelle qui gigotait partout là. Ah, je me souviens. White, non. Non, non. Christian's Sunshine Band, non. Un bon. Black, un blanc. Ouais, un black. Oh là, j'ai sur le bout de la langue. Il a chanté quoi? James Brown. James Brown. Oh, James. Et comment j'ai pu. James Brown, le plus grand, quoi. Ah ouais. La seule musique. Quelqu'un qui faisait des choses avec les jambes incroyables. Hein. James Blunt, moi ça me rappelle tout à fait ce style-là. Hein. C'était voilà, il faut savoir que la funk telle qu'on l'a connue dans les années 80, elle venait de la soul déjà. C'est une évolution. Donc ça venait de ça. On sentait encore les rythmes. Moi j'avais la chance, c'est que j'habitais dans un quartier où on écoutait beaucoup de funk et tout ça. Donc j'avais cette culture-là. Et j'allais dans un collège où ils écoutaient plus du rock, du hard rock, etc. Oui, sur Orléans la source, même, je vais te dire. Donc voilà, il y avait, et moi j'étais un petit peu à cheval sur les deux cultures. Il faut savoir qu'ils pouvaient pas se sentir les uns les autres. Hein. Mais moi j'aimais bien les deux. Donc j'aime le rock, donc j'ai cette double culture qui me permet d'écouter aussi bien du funk que du rock. Hein. Ça me gêne absolument pas. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Être sectaire. Ah, il faut très pas bien. Être sectaire. Voilà. Mais bon, il y en avait certains qui étaient comme ça. Et puis voilà, il fallait pas ceux qui étaient en blue jean, on leur cassait la gueule, et ceux qui étaient habillés en rouge et vert, toutes les couleurs, on leur cassait la gueule. Voilà, ils ne pouvaient pas se sentir. C'était comme ça. J'ai revu des personnes qui faisaient partie du côté rock, qui aujourd'hui avaient découvert le funk, et inversement. Mm-hmm. Comme quoi, il ne faut pas rester bête, il faut toujours. Et je pense que moi, je parle de ces deux cultures-là, mais il y en a bien d'autres. Il faut un petit peu s'égarer, et puis justement, découvrir toutes ces musiques différentes. Ce n'est qu'en enrichissant. Ça fait partie donc de la chanson, celle que j'ai, la ouverture, mm-hmm. qui parle un peu de ça. D'accord. En disant, faut savoir s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur ce que l'on ne connaît pas. Faut qu'on l'écoute, cette chanson-là. Voilà, c'est aller vers les gens. Puis, on en apprend toujours à tout âge. Moi, aujourd'hui, du haut de mes... Je vais pas le dire. Allez, 45 ans, tout fâché. Ouais. Ah, 50 parce que c'est mon dernier prix. Mais malgré tout, quand même, je pars du principe qu'un enfant de 6 ou 8 ans pourra m'apprendre quelque chose. Ben bien sûr. Et en plus, nous, à un certain âge, au bout d'un moment, on oublie. Ouais. Donc, on nous réapprend les choses. Là, tu parles pour toi, là, parce que je suis pas drôle. Cette ouverture-là doit nous permettre d'aller vers tout le monde et de prendre ce qu'on nous donne, quoi. Mmh. T'as 5 ans, tu m'apprends, j'en ai 70, je vais t'apprendre quelque chose. Et c'est comme ça que rien que le fait de voir la même chose différemment, on ne s'y comprend pourquoi tu vois comme ça, moi je le vois comme ça. Ah oui, d'accord. Et puis oui, effectivement, maintenant que tu me le dis, je peux comprendre que tu le... Voilà, on apprend à connaître les gens. La tolérance, l'ouverture. Et ben, ça revient toujours à une de mes chansons, Le Glas, qui parle un peu, qui parle beaucoup de tolérance. D'accord, il faut qu'on l'écoute aussi. De tout ça, parce que on a peut-être différentes religions, mais elles prônent toutes la même chose, la tolérance. L'amour. Je t'aurais bien passé une chanson des Garennes, je ne sais pas si je l'ai là, qui s'appelle Tolérance Zéro, qui parle exactement de ça. Ben voilà. Voilà, en disant, voilà, il faut être tolérant, il faut... On n'a pas les mêmes avis, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour me casser la gueule, pour me faire du mal. Tout à fait. Même au niveau politique, on n'a pas les mêmes opinions politiques. Tu peux être de droite, tu peux être de gauche. Mais voilà, on a peut-être quelque chose en commun qui va faire qu'on pourra s'entendre sans forcément sortir les coups de poing, les machins. Oui, souvent, quand il n'y a qu'une idée, ce n'est pas bon. Hein. Ce qui est bien, c'est justement quand il y a plusieurs des oppositions hein, par rapport à quelqu'un qui veut sortir une idée, l'autre qui... et c'est comme ça qu'on construit les choses. Parce que si finalement, il n'y a qu'une personne qui a la science infuse et qui a toutes les idées, ça s'appelle la dictature au bout d'un moment. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de penser autrement. Ça me rappelle un petit moustachu. Ah, tonton ? Oui, c'est lui. Tonton, ouais, c'est lui. Mais très en tout bien. Cas, il y a un truc qui est certain. De ton côté, je ne sais pas comment ça se passe, mais de Bad Trip, avec ma vedette favorite, donc c'est ma petite fille qui faisait la voix du fond, jusqu'à l'Algérie, on n'a pas le choix. Nous, de notre côté, on s'est éclatés comme des bêtes. Hein. Ouais. À un moment, j'ai même vu Pascal qui se levait, qui dansait tout seul dans son coin. Hein. Bon, il a fallu que je l'arrête quand même, parce que il aurait pu se faire mal, le pauvre. Mais c'est vrai que jusqu'à l'heure actuelle, on s'éclate comme des fous. Très bien. Bah, et en plus, tout à l'heure, j'ai fait le tour. J'ai été vous voir de votre côté. Et vous avez vu l'heure? Il y a deux heures et demie qui sont passées, presque une demi-heure. Et on n'a pas écouté tous les morceaux. Tu as amené un sac avec plein de musique. Finalement, on n'a même pas eu le temps de regarder dans le sac. Mais bah, au moins, tu auras passé les Meters. Voilà, c'est l'essentiel. Le reste après, ben, ce n'est que partie remise. Et tu sais quoi? C'est la première fois que tu viens dans l'émission Mavrica. Oui. C'est la première fois. C'est la première fois. Donc, ça veut dire que maintenant, tu rentres dans la Mavrica's Family et j'aurai beaucoup de plaisir à te retrouver dans quelques temps. Voilà, tu reviens pour nous parler un peu d'actualité ou nous parler peut-être faire une émission sur autre chose. Et voilà, on peut faire. C'est gentil de ta part, il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis obligé de revenir avec Pascal. Oui, tu es obligé de lui mettre le canon sur la tempe et ouais. Lui dire bah tu viens on dit non, c'était réciproque aussi tu le ravites alors. Ah ouais, il va falloir que je revienne alors. Très bien, voilà. Donc on a encore quelques petits morceaux à écouter. Alors j'essaie de regarder ce qui reste parce que j'ai si pas tu calé, peux passer coup, le glas le puisque glas. Lui il est carrément à l'opposé musicalement de tout ce que j'ai fait jusqu'à l'heure actuelle. Là on passe carrément sur un rythme différent. Alors on fait ça en direct live, hein. Ah ouais. Voilà. Ah, il veut pas venir. Saleté de machin. Voilà, on va y arriver avec la technologie. Voilà. On est au 21e siècle quand même, donc on va s'en sortir. Déjà, quand même, hein. Le glas, donc c'est un morceau, tu veux nous en parler un petit peu avant? Bah justement, c'est par rapport à la tolérance vis-à-vis donc de toutes ces religions, vis-à-vis de la politique. D'accord. Ces sujets clivants qui font que les gens arrivent à se détester, à se taper dessus. Même des fois pour le sport. Non mais c'est ça le pire quoi. Mais bon, on a autre chose à faire que de se massacrer, que de se tuer quoi. On s'assoit, on cause un peu tout ça. Et moi ça m'a un peu choqué tout ça. Je dis bah tiens, puisque je peux en parler, je vais le faire en musique. Le sport c'est sur le terrain que ça se passe. La politique c'est dans les urnes. Voilà. Et il faut continuer à faire comme ça. Le reste après ça sert à rien de. Et puis les religions après chacun l'a fait comme il a envie. S'il a envie d'y croire, s'il a pas envie d'y croire, on est en laïcité, on n'est pas non plus. J'accepte tout le monde, j'accepte tous les points de vue. À partir du moment où c'est avec la bonne volonté et tout ça, on accepte tout le monde. Et avec la musique, j'espère que ça va passer. Ça va passer. On écoute tout de suite le glas. Sans morgue. tout en te disant carpe diem. Et tu laisseras ton âme, et tu laisseras ton âme, et tu laisseras ton âme, et tu laisseras ton âme, et tu laisseras ton âme, et tu laisseras ton âme, et tu laisseras ton âme. Kanguti mola mwana kolela, mwana kolela ye ye. Kanguti mola mwana kolela. De côtoyer non envisageable pour certains, et cela sans s'apitoyer des gens des pays lointains. Se dire aujourd'hui j'ai appris, quel que soit l'âge ou l'origine, la connaissance n'a pas de prix, elle est plus forte je l'imagine. Quoi de mieux qu'un métissage culturel en complément d'un métissage culturel? Ces petits mots adressés aux têtus et neutraliseront ces constitus. Une bonne largesse d'esprit, ne soyons donc pas débaudés, ne jugeons pas avec mépris. Ne pas garder tous ses acquis, partager toutes ses connaissances. Sera toujours esquive si l'on en garde la quintessence. Cette grande ouverture de l'esprit sera un rempart naturel contre les dérives des malappris, sans circonstances intemporelles. Quoi de mieux qu'un métissage culturel en complément d'un métissage culturel? Ces petits mots adressés aux têtus et neutraliseront ces constitus. On arrive à la fin de l'émission et on essaie de rattraper un petit peu le temps perdu parce qu'il y a encore des morceaux qu'on n'a pas eu le temps de diffuser. De toute façon, ils sont là, on les gardera pour les prochaines émissions, on les diffusera avec beaucoup de plaisir. On les découvrira donc dans les prochaines émissions avec d'autres invités, puisque aujourd'hui, c'était toi, Jimo, l'invité de cette émission. Donc j'ai des petits documents à te remettre à la fin de cette émission, parce que maintenant tu es rentré dans la même Maverick Family. Je vais rappeler aussi les autres groupes qui vont venir très prochainement. La semaine prochaine, il y aura donc trois membres du groupe, normalement ils sont quatre, hein. C'est le groupe Neutol de Tours qui viendront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va découvrir un petit peu, parce que moi je connais leur morceau, on les diffuse depuis pas mal de temps, pratiquement un à chaque émission, et on les connaît pas, moi je les connais pas personnellement, donc ça sera l'occasion de les rencontrer, et puis ils vont nous raconter un peu l'histoire du groupe et nous parler un peu de tout l'univers du groupe Neutol. La semaine suivante, ça sera notre ami Max Alors Max De Giovanni, voilà, qui vient de Bayonne, hein, il habite à Bayonne et bon, il a aussi des liens ici sur Orléans, c'est pour ça qu'il va profiter du voyage pour venir nous retrouver ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il va nous parler aussi de sa musique. Bah, ouais, là c'est pareil, on arrive à la fin de l'émission, on n'a pas eu le temps d'écouter le morceau, mais on aura tout le temps la semaine prochaine et la suivante de découvrir donc l'univers de Max. Ensuite, il y aura aussi Mourad. Hein, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un artiste de Saint-Jean-de-Bray, il me semble. Donc Mourad, qui est déjà venu à plusieurs reprises dans les studios Radio Arc-en-Ciel, c'est un habitué et il viendra donc à nouveau pour nous parler de l'évolution de sa carrière, puisque lui, il continue, il compose, il a sorti de très bons disques, d'ailleurs qu'on a découvert dans l'émission Mavrica. Et puis là, à mon avis, il va amener son instrument de musique, il va nous interpréter des morceaux en live. On a l'habitude avec Mourad. Il joue de la guitare, non? Ah oui, il joue de la guitare, il s'accompagne, il chante très bien, ouais, en plus. Ouais. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est ses paroles. Il met beaucoup de choses dans ses paroles et j'aimerais, moi, si j'étais écrivain, écrire des paroles comme lui le fait, quoi. En tout cas, je trouve que c'est formidable. En plus, il n'est jamais trop bien pour commencer, hein. Ouais, mais avant d'arriver à sa hauteur, j'ai quand même du boulot. Voilà, en tout cas, j'ai la chance de connaître Mourad et c'est avec un grand plaisir que je le reçois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, ça sera le 11 février et le 25 février, voilà, les dates qui sont vraiment réservées. Il y en a d'autres qui sont en cours, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore attribuées. Donc, si vous avez envie de venir dans l'émission Mavrica, vous pouvez me contacter. Le mieux, c'est par le Facebook ou alors par l'adresse mail, hein, tout simplement, mavrica@live.fr. Et puis donc le 25 février on recevra le duo Trip Hop Roraima, un groupe qui fait de la musique électronique et qui envoie bien du bois. Donc on les recevra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le 25 février. Voilà pour les semaines qui viennent. Donc, il y a quand même de quoi s'occuper pendant le Covid, quoi. Ouais, si on écoute un peu la radio, il y a quand même de quoi faire. Bah heureusement, la radio, elle s'est pas trop arrêtée, à part quand il y avait le confinement. Effectivement, si je finissais mon émission, je pouvais pas rentrer chez moi, donc j'étais obligé de dormir dans le studio. Je me suis dit, bon, on va peut-être éviter de faire les émissions à ce moment-là, ouais. Donc pendant un certain temps. Mais dès qu'on a pu, on est revenu. Donc moi, je suis revenu, j'avais pas le droit d'avoir d'invité non plus, parce que bon, avec les contraintes qu'il y avait, donc j'ai diffusé, comme j'ai de la matière. Hein. Depuis 11 ans, j'accumule beaucoup de morceaux des artistes qui sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et pas que, il y en a aussi que je connais comme ça, qui ne sont pas encore venus, mais que j'aime bien diffuser. Il y en a aussi d'autres que je recevrai plus jamais, puisque les projets ont disparu. Il y a des groupes qui sont venus, ils ont fait un projet, ils en ont parlé, et puis finalement, entre-temps, ben, le groupe s'est séparé, ou des choses comme ça. Ça fait partie de la vie. Mais les enregistrements, on les a, et on les diffuse avec beaucoup de plaisir, et c'est ce que j'ai fait dans les précédentes émissions. Voilà. Mais c'est vrai que la radio reste quand même le lien privilégié, je crois, avec le reste du monde, quoi. Avant l'arrivée de la, comment ça s'appelle, de la télé, on avait de la radio. Ouais. Et la magie de la radio. Moi, je suis mal placé pour en parler, mais moi, j'ai toujours été bercé dans la radio, et la radio, ça nous permet de nous évader beaucoup plus. Et l'imagination. Puis, aujourd'hui, il y a aussi, on a cette chance, on peut faire sa propre radio chez soi, c'est-à-dire qu'on peut programmer des trucs, faire des playlists et tout ça, mais on aime bien être quand même, qu'il y ait quelqu'un qui nous dirige. Je sais pas, quelqu'un qui nous fait découvrir, qui nous parle des groupes, qui nous parle des artistes. Quelqu'un qui nous fasse rêver. Voilà, et qui nous fait voyager, qui nous emmène là où on n'aurait peut-être pas été de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Et la radio, c'est le rôle. Et c'est pour ça que je fais cette émission, et c'est le rôle que je me suis donné. Donc, faire découvrir les artistes de la région. Et d'ailleurs, hein, si vous voulez venir d'Afrique, pourquoi pas, directement, avec beaucoup de plaisir, ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Bon, le problème, c'est que là, le voyage, je sais pas si vaut vraiment ça la peine. Un peu cher. Ça fait un peu cher quand même. Mais enfin, bon, on est ouvert. Hein. Il y a quand même des Belges qui sont venus. Il y a quand même des artistes. Tiens, Bayonne, c'est pas à la porte à côté. Hein. Oui. Après, il y a Brest aussi. Notre ami, voilà, le nom, il est parti. Hervé Deroff, voilà. Hervé Deroff qui est déjà venu à plusieurs reprises de Brest, spécialement pour l'émission. Et puis, il repart après. Ou alors, il passe une nuit d'hôtel. Il repart le lendemain. Donc, voilà. Quand on veut, on peut. Hein. En tout cas, moi, je reste toujours sur la magie de la radio. Effectivement, comme tu disais, étant gamin, on a été bercé avec ça. On dormait avec son petit poste de radio à l'oreille. On écoutait les matchs de foot à la radio. Et c'est un lien formidable. J'ai rien contre la télévision. Mais la radio, quand même, c'est... Voilà. Ça nous fait travailler l'imagination. Oui, la télé, on a trop d'images. On a l'image, le son, on a tout. Et on avale, on n'a pas le temps d'analyser même des fois. Un match de foot à la radio, on imagine voilà. Suivant ce que nous raconte le commentateur, on voit très bien le footballeur en train de courir, en train de chuter. Tout ça, ça se passe dans nos têtes. C'est un rêve. Ben, ça fait un peu comme les livres. Moi, j'adore les livres à cause de ça. Parce que d'un seul coup, on s'évade, on est ailleurs. Et on se crée son petit monde à soi. Voilà. C'est le côté imagination que j'aime bien. Voilà. La radio, les livres, ça, c'est mon imagination qui travaille. Et après, on se permet tout. ça me rappelle un truc. Il dit, il faut se méfier des gens qui ont une télévision plus grande que leur bibliothèque. C'est un peu ça, alors. Ouais. C'est-à-dire que, bon, la télévision, c'est bien, mais finalement, c'est bien aussi de chercher par soi-même, parce que les livres, ça peut être les livres, ça peut être nos enregistrements, nos disques, nos machins. Tout ça, ce qu'on stocke, c'est notre essence à nous qu'on a gardé tout au long de notre vie. La télé, finalement, c'est ce qu'on nous sert, et puis voilà, on l'avale. Voilà. Tu prends ça, tu t'en vas avec, c'est fini. Et moi, quand je parle livre, je ne suis pas sectaire. Hein, ça part aussi bien de la bande dessinée que... Ah ouais, moi je suis fan, j'ai toujours adoré la bande dessinée. Voilà. Moi, je m'éclate avec un Tintin, je m'éclate avec Picsou, je m'éclate avec n'importe quelle bande dessinée. Et à côté de ça, je vais aller lire quelques poèmes de Ronsard, de Baudelaire, de je ne sais pas quoi. Le plaisir sera toujours le même parce que je cherche l'évasion. Mm-hmm. Et puis, entendre les pages... que je feuillette qui tourne, c'est un bruit particulier que j'ai pas à la télévision. Voilà. mais la télé, c'est bien aussi. Hein. Aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps avec nos écrans, avec le téléphone, l'ordinateur, les télévisions et tout ça. Et il n'y a plus beaucoup de part à l'imagination. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc, La plupart du temps, c'est « tais-toi, je regarde mon émission ». Plutôt que de dire bah, « tiens, on va partager, par exemple, une pièce de théâtre ». Voilà, tu fais Harpagon, moi je fais l'autre. Voilà. On en revient toujours à la même chose, le partage. Voilà. Je crois que c'était le fil conducteur de l'émission. Après, ça peut être des jeux, ça peut être la musique, oui. Ça peut être plein de choses, hein, le sport, je sais pas, il y a plein de choses. Que les gens se regardent, que les gens se parlent. Voilà. La télévision, on ne se parle plus. Alors que si on fait du sport, on est obligé de discuter. Ouais. Voilà. Bah, c'est bien ton coup de gueule. Là. J'espère que ça va faire réagir un petit peu tout le monde. Hein. J'aime bien qu'on s'exprime et qu'on dise... voilà, bah, il faut essayer aussi autre chose. C'est dommage d'être enfermé chacun dans sa chambre et à faire des choses différentes. Moi j'aime bien, tu vois, moi j'aime bien la musique. Et c'est vrai que je travaille aussi des fois dans mon petit studio. Puis je prépare les émissions, j'ai tous les trucs, et voilà, tout seul. Parce que là, je travaille. Mm-hmm. Et après, une fois que j'ai les trucs, j'aime bien aussi les partager. Donc là, je les monte et il y a la chaîne IFI familiale. Et là, je mets les morceaux et je fais écouter à tout le monde. Et ouais. Je regarde un peu les réactions et tout ça. Et j'aime bien le partage. Voilà, regardez tout ça. Donc c'est important, c'est bien de chercher plein de choses, mais après il faut, une fois qu'on a trouvé quelque chose, des petites pépites, des trucs comme ça, les partager avec d'autres personnes, bah, c'est bien. Ça fait partie de l'ADN humain, je crois, de toujours dire, tiens, je vais en faire profiter Pierre, Paul, Jacques. Peut-être que lui, il va prendre ça, il va le développer en amenant un petit plus, quelque chose de formidable, mais au moins je ne le garde pas pour moi, je ne vais pas mourir avec en disant c'est à moi, je le garde. Non, ça y est, j'ai eu. Maintenant, à toi, tu prends et t'en fais ce que tu veux. Et c'est surtout ça qui m'importe dans la vie, quoi. Donner, donner, donner. Recevoir. Ça aussi, ça fait du bien. Oui. Savoir recevoir. Et après, savoir retransmettre tout ce qu'on a appris aux autres. Soyons positifs. Allez, soyons positifs, mais pas au test. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On a l'habitude de dire les phrases magiques à la fin. D'ailleurs, on a un petit peu dépassé, mais bon, on va quand même finir ce qu'on est en train de faire. On finit toujours l'émission avec des phrases magiques. C'est toujours plus ou moins les mêmes. Des fois, elles évoluent un petit peu. Tu peux en rajouter aussi si tu en as une. La première, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. Alors quand je dis le rock'n'roll, c'est la musique en général, parce que effectivement, on est plus orienté pop rock, etc. Mais des fois, que la musique en général soit avec nous. Everything is gonna be alright, c'est en anglais. Ah, hein. Oui. Ça, c'est un message d'espoir. Moi, j'ai toujours. Il faut toujours être positif, comme tu viens de le dire. Et la troisième, c'est une vie sans musique serait une erreur. Donc voilà, ça c'est tout le monde connaît ces phrases là. Oui. Mais bon, c'est des phrases qu'on redit à chaque fois parce que ça fait partie de l'ADN de l'émission Africa. Voilà. On écoute encore, on va écouter deux petits morceaux. On fait comme ça. Ouais. C'est parti. Pour terminer cette émission. Donc on se dit au revoir. On souhaite que tu continues dans que tu persévères dans ton truc, que tout le monde tu deviennes une rockstar de la région orléanaise. Pourquoi ça vous fait sourire? Mais ça se trouve il va avoir eu un succès incroyable. Tel n'est point mon ambition parce que je crois qu'il faut savoir rester humble en disant voilà, non, mais je suis à un niveau. Mais par au contre, moins, il y a beaucoup de gens qui vont prendre du plaisir à écouter ton album, j'en suis sûr. Voilà. J'espère au moins si j'arrive à faire passer ce message de tolérance, d'amour, de voilà. Moi, c'est surtout ça qui m'importe, quoi. Ouais. Que les gens se comportent différemment vis-à-vis des autres et que la vie n'est pas si moche que ça. Bah oui, il faut savoir regarder le bon côté, simplement. Et relativiser. C'est une manière de regarder les choses. Donc on arrive à la fin de cette émission. On va souhaiter à tous les auditeurs, on va remercier tous les gens qui nous ont écoutés, les petits messages qui nous ont été envoyés. On va remercier aussi une personne qui est très importante, c'est Florent qui enregistre tous les podcasts et qui les remet après. Donc je les posterai sur le Facebook de l'émission. Donc pour les gens qui ont loupé cette émission parce qu'ils n'étaient pas disponibles, parce qu'ils avaient une réunion de famille, parce qu'ils travaillaient, parce que il y a plein d'excuses. Hein, et là il n'y a plus d'excuses, c'est qu'ils peuvent leur écouter plus tard. Donc en allant sur le lien, vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger l'émission si vous voulez la garder. Il y en a qui veulent les conserver. Si vous voulez extraire des morceaux, si vous voulez juste l'écouter, c'est du streaming aussi. Donc vous pouvez écouter l'émission en direct sur le lien que je partagerai, qui est fait par notre ami Florent, auquel je fais un petit coucou. On va souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h, ici, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je te remercie encore pour ton invitation. C'est super sympa de ta part. Mm-hmm. On va finir donc avec deux morceaux. Je vais les annoncer avant. Alors, le premier, c'est Broken Arms. C'est un groupe que tu connais, ça? Oui, j'ai entendu parler. T'as entendu parler? Ouais. Parce que justement, Michel, qui m'avait donné l'audio qu'on a écouté tout à l'heure où tu interprétais un morceau, ouais. Il fait partie aussi du groupe des Broken Arms. Voilà. Que je connais depuis longtemps, que je diffuse aussi, mais que j'ai jamais reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Pourtant, ils sont déjà venus dans d'autres émissions. C'est Arc-en-Ciel. Donc, un jour, ils viendront aussi, et on fera une émission spéciale. Et je propose qu'on écoute le morceau qui s'appelle, Horizon. Voilà. Et juste après, un dernier morceau de toi. C'est alors, parti. Le dernier, c'est Délire de minuit. Bon, il n'est pas encore minuit, mais bon, c'est déjà pour préparer les gens. On finit avec celui-là? Ça marche, génial. Okay. Donc, je vais mettre les morceaux, parce que les morceaux, ils sont dans ma liste, mais ils sont pas calés, voilà. Cette fois-ci, ils sont calés, et on va envoyer ces deux derniers morceaux, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Jimo, merci Pascal d'être venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Vous revenez quand vous voulez, c'est toujours avec autant de plaisir. En tout cas, moi, j'ai pas vu le temps passer. Mais nous, on va continuer l'émission dans les coulisses. Hein. Il n'y a okay. pas de problème. C'est merci parti. Encore, bonne fin de soirée. Merci Albino. I'm not afraid. voix d'un tel héros a fustigé le temps et créé